C'est ça l'ASMR. Il s'agit du flow de cast. Ça pue sa mère. Floodcast. Florent Bernard. Bravo. Adrien Méniel. Bravo, bravo. C'est très très impressionnant. Ah ouais, c'est toujours un spectacle hein, de tout. Oui. Ah, ah, c'est accordéon. Accordéon. Ah non. C'est la Bretagne. Les paroles, ce sont les filles. Les paroles sont assez atroces. Les paroles, ce sont les filles. Les forges, les forges de pimpon, des guindondaines, les forges de pimpon, des guindondons. Ah bah c'est un jukebox, hein. Vous mettez une pièce, il est parti pour deux heures. Même quand on met pas de pièce, apparemment. Bonsoir. Oh, c'est un spécial Bretagne. Bienvenue. Bah, d'une certaine manière. Sans la galette. Eh oui. Dans ce nouvel épisode du Floodcast, je suis Florent Bernard et comme accoutumé, je suis accompagné d'Adrien Méniel, de Néloïne Leroy, mais Ménélec, Mano, et bien sûr, et toute la team, mais nous ne sommes pas seuls. Elle est comédienne, autrice et réalisatrice, vous l'avez découvert à Golden Moustache, fière comme un phare, telle une crêpe, elle peut être salée ou sucrée, c'est Justine Le Potier. Oh, oui, c'est moi. Il y a l'auto en parallèle. Hein. Réalisateur et scénariste, comme le Triskel, il a les trois éléments en lui. Sa voix est modulable à l'infini car il peut imiter le loup, le renard et la belette chantée. C'est Valentin Vincent. Oui. Ah oui. Et dites-vous qu'il a écrit tout ça en chiant. Ouais, il y a 25 minutes. Il y a 25 minutes. C'est pour ça qu'il a mis si longtemps. Réalisateur, scénariste et comédien, il a chiant, suivi là. Hakim, le fils du forgeron, après avoir jeté un dernier regard sur sa femme, son fils et son domaine. Il sort avec Valentin Vincent une bande dessinée qui s'appelle Truth Boy tome 2. C'est Julien Josselin. Oui. Oh, ça giga max. Allez, ouais. On se tient par les petits doigts là. Ah, les petits verres de cercle là. Oh, on peut s'arrêter là. Bonjour. Oh, moi, que pour ça. Toi. Comment saucisse, ça va? Lentille, non. Comment? Saucisse, lentille. Non, galette, c'est quoi? Saucisse. Ah, galette, non. Saucisse, ouais. Oui. Saucisse, lentille, c'est une autre région. Ouais, oh, vous avez tout piqué aux autres régions. Oh, waouh. De 20h à 22h, Adrien clash la Bretagne. clash la Bretagne. C'est breton, Adrien. C'est vrai. T'as été adoubé, souviens-toi. C'est vrai, je suis breton. Comment ça, t'as été adoubé? On ne dira pas comment. Ensuite, hey, les influenceurs, ils sont à Dubaï et moi, je suis adoubé. Oh. C'était dans une piscine. Un rappeur. Je suis un peu rappeur. Et pourquoi t'as été adoubé, breton? J'étais adoubé parce que on faisait un séminaire. Un je suis en pleine allergie. Voilà, je peux être clair. J'ai mal dormi. Je suis en pleine allergie. Mon visage est pour souffler. Et ils nous détestent. Donc vraiment, ça commence mal. Voilà. Mais donc on faisait un séminaire Golden Moustache il y a quelques années et tous les Bretons sont foutus à poil dans la piscine. Et on décrétait. C'est une coutume vis-à-vis voilà. De chez eux. Non, ah, c'était l'alcool. La nuit. Clairement, oui. C'était l'alcool. C'était la nuit donc il faisait pas chaud. Et sur la même musique que tu viens de mettre. Voilà. Et ils ont dit bah ceux qui osent aller à poil dans la piscine sont bretons et ni une ni deux bah je l'ai fait et du coup j'étais et t'as été le seul breton. Finalement j'ai été le seul. Alors moi j'ai pas souvenir de ça, j'ai souvenir d'une phrase où tu criais très fort. Oh, attention. Non, on peut biper. Attention. Si je vous touche la bite ou mon genou, est-ce que je suis considéré comme breton? Et tout le monde a fait oui. Non, je crois que si nos bites se touchent, je crois que c'était. Ah, oui. Si nos bites se touchent, est-ce que je suis comme les petits doigts? Il y avait un fesnos de tub. Ils ont dit non, mais juste aller dans la piscine. Ce qui m'arrangeait parce que j'avais pas spécialement envie de ça. Fesnos de tub, malheureusement le titre. Hein, ouais. Très vite. Voilà. Ah oui, oui. Épisode. Est-ce que c'est le même séminaire où on a un super souvenir avec? Ah oui, c'est celui-là. Mais on va pas le raconter. Ça va le biper. Oh, on peut le raconter. Bah, bon, je le raconte et puis on verra après l'émission si on le garde ou pas. Vas-y, raconte. Avec Valentin Vincent, donc c'était un séminaire Golden Moustache. Et on... Mais qu'est-ce que c'est que Golden Moustache? Les gens, ils connaissent encore. Souvenez-vous. C'était la team Crouton de l'époque. Voilà, ah oui, c'est vrai. C'est bien résumé. C'est On était dans ce séminaire et donc Golden Moustache avait loué une maison. Mais c'était pas que pour les talents / artistes de Golden Moustache. Il y avait. Plein toute de gens, la team. Toute la team. Genre de production, de graphisme, de publicité. Bref, il y avait vraiment toute l'équipe de Golden Moustache. Et on partageait des chambres. Et avec Valentin, on partageait une des chambres. Il a la tête dans les mains. Il est ravi. Le fait est que dans la chambre d'à côté, qui n'était séparée que par une simple porte. C'était pas une chambre, c'était ouverte. C'était un couloir. Oui, c'était un hall. Ouais, c'était un hall. Ça, et notre porte ne se fermait pas. C'est vrai. On entend. Des gens qui s'amusent plus que nous. Qui passent une bien meilleure soirée que Valentin et moi. Après, là. Ça tenait qu'à nous amuser. C'est vrai. La balle était dans notre camp. Mais le fait est que ça commence à se chauffer dans la chambre d'à côté. Et à ce moment-là. Qui n'était pas une chambre, hein, qui était un hall d'entrée. Oui, où tout oui, le monde voilà, qui était passer, vraiment, c'était assez fou. Et avec Valentin, on commence comme deux immenses puceaux, évidemment, en vacances, à dire eh oh, eh ben alors, vous faites quoi? Et machin. Et à commenter. À commenter les bruits. Et là, Valentin a eu peut-être. peut-être la meilleure idée, à savoir commencer à imiter Johnny Hallyday en donnant des conseils de baise à ce couple qui faisait l'amour. Ça, je m'en souviens pas. Ah si, ah, oh, bah, si. Ça, je crois que... Non, mais je me souviens d'une autre phrase, mais ça je m'en souviens oui, pas. La phrase, on la dira pas. Mais il y a eu des imitations de Johnny. Tout et ça, fait, moi, oui. Ça m'avait déjà régalé. Oh, on parle de nous, mais c'est un floodcast. On va faire évidemment le jeu du floodcast. Alors, ça fait. On a l'impression que c'est un spécial Bretagne, mais c'est juste parce qu'on a Valentin, Julien et Justine autour de la table. Moi. On n'est pas du tout dans une émission spéciale Bretagne, hein, sachez-le tout de suite. Hein. Bah, non, oui, voilà. Faut, voilà. C'était vraiment juste pour l'esprit. J'avais révisé, c'est con. Un Iranien détenant un record du monde s'est éteint cette semaine à l'âge de 94 ans. Un Breton, disons. Quel record détenait-il ? Est-ce que c'est un long record de... qui implique son corps ? Oui. Ah, il a fait une dinguerie avec son corps. Il avait les plus longs ongles. Putain, c'est ce que j'allais dire. Ah, oui, on a tous vu cette photo. Ah, parce avec la meuf qui avait les trucs qui faisaient des boucles. Oui, moi, c'était le mec. Moi, c'était un mec. Oui, ah, en fait, il y avait d'abord le mec. Moi, j'ai tout l'historique, moi. Ouais. Et ensuite, une meuf. Mais les deux immondes, hein, dans tous les cas. Avec les... C'est cool comme historique. Non, mais en plus, moi, j'ai appris que ce mec-là. Enfin, le mec qui avait. S'est jamais gratté les couilles. Parce qu'il avait qu'une main. Il avait qu'une main. Il avait qu'une main. Oh, le génie. Mais non mais en fait ça l'a vraiment enfin ça l'a nécrosé enfin, ouais, il y a un truc ça l'a handicapé, il a vraiment un ça l'a bah, il ça était guitariste la main quoi en fait. Non mais ça lui a bougé la main. Moi ce qui m'intéresserait de savoir, c'est à partir de combien de centimètres d'ongles tu commences à te dire vraiment c'était une connerie. Ouais. C'est qu'il y a vraiment à un moment donné, mais après t'es trop loin dans le délire. Tu genre, dis t'as arrêté le délire d'avoir des ongles d'un mètre de long. Ouais, ouais, genre, ouais. Non t'es obligé oui, d'aller. T'es obligé d'aller jusqu'au record. Mètres, ouais. T'es obligé d'aller jusqu'au record. Déjà moi juste les gens qu'ont un ongle long là pour soi-disant pour faire de la guitare. Dégueulasse déjà pour moi. Ouais ça c'est dégoûtant. Déjà dégueulasse. Il a vérifié discrètement. Putain c'est les gratteux, je vais me les foutre à dos. Non non déjà c'est immonde. Prenez un médiateur, arrêtez de vous les. Je comprends. Pour moi, c'est des gens traumatisés de leurs parents. Moi, ma mère me coupait les ongles avec des ciseaux. Très rare. Et j'ai vraiment que des. Si, tout le temps. Non, et j'ai très des... rare. Ah oui, oui, voilà ça, très rare. Moi, je les ai coupés ce matin. Mais ça là. Fait oh, super oh. mal, ça pique du coup. Oui, mais ça, c'est parce que c'est trop court. Voilà, trop court. Et ta je mère, me les prenais ouais. dans les vêtements, tu sais, dans les pulls et tout. Enfin, c'était assez atroce. Oh, mais ta mère quoi. S'y prenait. Déjà. Nous, on déjà, les frotte contre des dolmens, nous. Non, mais c'est ce que je veux dire. Limez-vous les ongles après les avoir coupés. Hein. Mais d'ailleurs, c'est très bon très, sujet. Très je fais une micro parenthèse reco. Je fais une reco en plein milieu. Oh, j'en ai rien à foutre. Ah bah attends, on est invité depuis longtemps. Mais chez toi, vous êtes à la maison. Je me permets des trucs. D'ailleurs, je pars maintenant. Je reviens plus jamais. Mais non, il y a un court métrage avec Antoine Chomsky qui était passé à Golden Moustache d'ailleurs aussi, qui a fait pas mal de choses avec nous. Qui est disponible, je crois qu'on peut le retrouver sur Dailymotion, je crois. Et ça s'appelle Les Ongles. Et c'est un court métrage d'horreur, mais que Chomsky a fait vraiment il y a très longtemps. Et c'est un bon court métrage, je trouve vraiment très cool. Sur un mec qui a les ongles qui poussent et il contrôle pas. En fait. C'est pour ça qu'il se ronge les ongles en fait. Ah oui, d'accord. Et je vous ai tout spoilé. Clairement, je vous ai spoilé tout le court métrage. Voilà. Mais non, mais en vrai, c'est bien fait et ça a de la gueule, donc je vous conseille d'aller voir. Mais les ongles, ça, dans les films d'horreur, tu parles de films d'horreur, c'est des trucs qui moi me dégoûtent le plus. Ah quoi, ouais, quand on commence à toucher les ongles. Même les scènes de torture où il leur arrache les ongles. Moi, je dis oui, je dis, balance bah, tout de suite, moi. Dans la mouche, il y a Cronenberg, il s'enlève les ongles. Ah, les ongles, il y a un truc. Cronenberg, il aime bien ce genre de délire. Et les coups dans le coude qui remontent jusqu'à la main, ça j'aime pas aussi. Comment t'appellerais ce phénomène? Dis-le, ça a un nom, non? Non, le coup qui fait mal, moi je ouais, pense. Ouais, mais ça a un nom, ça, ouais, ce truc-là. Moi j'ai toujours dis-le, appelé non. ça comme ça, mais. Dis-le, quoi. Franchement, dis-le, qu'est-ce que. Quoi. Moi c'est, j'ai toujours appelé ça comme ça. Quand même. Alors. Mais je savais pas. Oui, c'est vrai, j'ai oublié. Mais oui. Moi j'ai toujours appelé ça un air de samouraï, ce qui veut rien dire, mais quand j'étais petit, je me disais, je me coinçais un air de samouraï. C'est bien. Maintenant on appelle ça comme ça. Ouais. Dites ça maintenant. Un nerf de samouraï. Voilà. On a réussi quand même pas mal. Ça envoie du sax. Ouais. Nerf de samouraï. Ah, je suis déjà nostalgique de. Tu sais, la douleur bizarre dans le coude quand tu tapes dans le coin. Voilà, ça, entre guillemets. Oui, voilà. C'est ça. Je suis un peu nostalgique de ça, je trouvais ça hyper pas pratique. Ce sera nerf de samouraï. Donc, mais c'est iranien, ça ne nous répond pas plus. Pas la barbe ou les cheveux. Pas la barbe et les cheveux. Attendez, il est mort de ça. Alors, pas du tout. Iranien, tout de suite la barbe. Juste détenait le record. Il s'est pas lavé pendant très très longtemps, c'est ça? Ah bah. Oh, oui. Adji, qui ne s'est pas lavé pendant plus d'un demi-siècle, yes. Est mort. Un streamer dimanche. Pour moi, mais. est mort dimanche dans le village de Dejga, dans la province de Fars. Dejna, la streameuse. Bien sûr. Il est mort à quel âge? À 95 ans. 94 ans. Donc peut-être que ça conserve. Mais pendant combien de temps il s'est pas lavé? 50 ans. Un demi-siècle. 50 ans. Oh la vache. Enfin, plus d'un demi-siècle, donc 60 ans. Mais est-ce qu'il se lavait pas, mais il avait une excuse de. Mais je fais. Je me frotte des trucs contre moi. Non, justement. Oui, je mets non, de la pierre vraiment pas se laver du tout. Ou des fois un petit plongeon dans une rivière. Je vais vous raconter. Selon un responsable local cité par l'agence, il évitait de prendre la main par crainte de tomber malade. D'après l'agence mère, l'homme a passé sa vie dans des grottes ou en pleine nature et se nourrissait essentiellement de carcasses d'animaux. Donc bon, dans un... Et en bon délire, quand même. Mais ça conserve, 95 ans, je vous dis. Mais non, mais bon. Ah, bah ça, avec vos TikTok et vos trucs, vous crevez à 60 piges après la ulcère. Heureusement qu'il vit dans une grotte et pas en contact avec d'autres gens, quoi. Ouais, il est CEO d'une. Peut-être au bout d'une semaine, quelqu'un lui aurait dit allez, tu te laves désormais. Mais alors, tu ne crois pas si bien dire, Adrien, parce que pour la première fois, il y a quelques mois, des villageois l'avaient emmené aux toilettes pour se laver. Oh non, il est mort après. Et il est mort quelques mois après, mais rien ne laisse à penser qu'il y a un rapport. Il avait 3 doses en plus. Mais non, mais. Il y avait une flore naturelle qui s'était créée sur tout son corps. Est-ce que cet homme était célibataire? Quelques mois après, non. Mais... Alors, est-ce que cet homme était célibataire? Il était célibataire. Donc, pendant 50 ans. Il vivait avec un ours quand même. Oui, oui, voilà, c'est ça. Une étude sur des souris a prouvé que se curer le nez pouvait favoriser un risque pour votre santé. Je l'ai vu passer, malheureusement. C'est pas vrai, parce que j'arrête pas en ce moment. Tu cures le nez? J'ai un problème de narine bouchée, je passe mon temps à la déboucher, voilà. Pour favoriser quoi, te dis? Bah justement. Un problème, ça crée un problème de santé et je vous demande lequel. Comme t'es breton, c'est Marine Le Pen ou pas? Oh là là. Quoi maintenant? Ça nous enlève trop de poils au nez et c'est ce qui permet de filtrer l'oxygène. Ah oui, pas con. Ah joli, mais c'est pas ça. C'est pas ça. Est-ce qu'on peut dire que rien à voir avec le nez? Ouais, rien à voir avec le nez. C'est lié au doigt, puisque c'est ce qu'on utilise. Rien. Vraiment? Attends, parce qu'il y a une explication derrière qui est un peu liée. Oui, mais vraiment, ça va pas vous aider. Et genre, les vaisseaux sanguins, on casse ceux qui vont franco du collier, tu vois. Ça casse les vaisseaux sanguins dans le nez, ça crée des petits AVC. Ouais, là, ils ramènent telle une cheminée. Oui, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Ça touche un nerf, ça fait un truc avec un nerf. Mais non, t'es presque trop. C'est le Covid. Trop lié, mais c'est encore trop lié ça. Non, parce que tu n'as plus accès avec le cotillon. L'écouvillon. Ah oui, cette saloperie. L'écouvillon, non, c'est pas ça? Oui, peut-être. Absolument. L'écouvillon. Oh là là, putain, les férus de tiges dans. J'adore ça, moi. Ouais, je m'en suis fait quelques-uns. Oui, parce qu'on peut. Oui, je l'ai pas dit, mais j'avais le Covid. Il a eu le Covid. J'ai fait une petite semaine de Covid. Et bah, c'était pas si mal. Soit disant deux. Non, mais parce que j'ai eu le variant chill. Comment ça s'appelle? C'est le nom officiel. Non, mais je me suis fait une nuit atroce où j'avais de la fièvre et tout, j'ai très mal dormi. Et après, c'était genre, je suis un peu malade. Mais du coup, c'était vraiment de pouvoir rester à la maison glandé sans culpabilité. Sans te curer. J'ai regoûté un peu le confinement que moi. Tu adores. Grand privilégié que je suis, j'avais adoré. Mais alors, moi, c'est marrant parce que j'ai fait une intoxication alimentaire, moi, la semaine dernière. Oui, lié à un Subway. Et il a adoré aussi. Non, mais cela dit, oui, mais j'ai vomi surtout et j'avais pas vomi depuis au moins 10 ans, je pense. Quel enfin, plaisir, vraiment, ça oh là là. C'est vrai que c'est très désagréable. Hein. J'avais oublié. Quand tu vomis et que tu lèves la tête du sol, tu fais. Il y a vraiment un truc de. J'ai plus de respiration. Fait pas ça du tout, moi. Quand je vomis, je hurle pas après. Moi, je pleure. Parce qu'il est possédé par un démon, mais on sort en parallèle. Tu sais, quand tu vomis, après que tu bandes dur et tout. Non, Florent, il y a que toi. Vraiment. Alors là, tu mets des mots dans la bouche qui étaient très éloignés de ce que je disais. Non, moi, j'avais juste plus de respiration et j'avais un peu pleuré, quoi. Ouais, enfin, j'avais aussi beaucoup. Un truc de. Gros bébé. Mais parce que ça fait 10 ans que j'ai pas vomi, je te dis. Bon, bref. Ah ouais, mais faut se faire vomir régulièrement pour s'entraîner. Quoi? Faut se faire vomir. Alors moi par contre, c'est un muscle, hein. Moi par contre, dès que je suis un peu barbouillé et que je suis un peu genre je me fais vomir. Bah t'es une merde. Non mais parce que je connais mon corps et je sais que justement c'est que je suis en train de mal digérer un truc. Bah alors je me fais vomir et ça va mieux après. Moi c'est tout l'inverse, je vomis pas, j'ai pas vomi depuis 15 ans ou plus, et même quand j'ai très mal au ventre, j'arrive pas à vomir et j'aimerais bien vomir. Et du coup c'est ça, moi j'ai déjà eu des gastro depuis 10 ans mais je ne vomis jamais, et là c'était vraiment, ça faisait très longtemps. Et pourquoi je vous raconte ça? Parce que j'ai googlisé, genre je trouvais ça trop bizarre, j'arrivais pas à faire le lien de mais je peux pas avoir une gastro parce qu'en vrai ça va, j'avais aucun autre symptôme et tout. Et nouveau variant du Covid, chiasse et vomi. Je fais c'est beaucoup là. Mais apparemment c'est plus le cas. Au dernier, c'était genre j'ai eu la même chose. Ouais. Et j'entends autour de moi énormément de gens qui ont eu ça. Oh, une intoxication. Mais c'est fou, on l'a tous eu quoi. Vous avez fait des t'as fait un test Covid? Non, oui, et moi c'est pas ça. Non, mais j'ai pas fait. Ouais. Parce que moi là, beaucoup de gens qui ont le Covid et qui disent non, moi j'ai juste une chiasse et tout. Donc non, mais en vrai. Okay. C'est si intéressant. Vous, si vous nous écoutez vous dites, ça fait quand même 15 minutes qu'ils sont sur la vomi et la gerbe et le caca. Ouais. Au final, petite info, c'est de la prévention. Non, avant tout, c'est de l'infotainment. Nous sommes plus ou moins combinis. Ouais. Ouais, on peut pas vous dire mieux. Non, c'est marrant parce que en venant ici, d'ailleurs, je le salue. S'il écoute, il se reconnaît. Il y a un mec qui m'a dit on a parlé sur le trajet et tout. Il t'a vraiment dit ça, c'était très bizarre. Il a fait, j'ai fait dis des mots, connard. Non, on a parlé du Floodcast et il m'a dit, et il m'a posé cette question: est-ce que tu considères que vous faites de l'infotainment? Et j'ai dit, non, parce qu'il y a vraiment pas d'info du tout, quoi. Et je ne le dis jamais, mais on ne vérifie rien, hein. Ah oui. Je pense que les gens. Moi, je tape news insolite et je vous balance tel quel ce que je vois. Moi, parfois, je débunk. à la volée comme ça là. Donc sur cette terre qui est plate, à votre avis, les crottes de nez. Qu'est-ce qu'on peut se fouiller dans le nez pour, Ah oui, mais moi j'ai la réponse. C'est pas c'est en rapport avec la crotte de nez. Non. Dans 3 secondes je dis. Bah, tout bonnement un cancer. Non, quel gâcheur c'est Adrien. Elle bloque l'arrivée. En tout cas, c'est dans la partie haute. Une dépression. C'est dans le cerveau. Ah, c'est vraiment une maladie connue quoi. T'es plus bipolaire. Mais ouais. T'es plus sur c'est la une maladie voie. Mentale. Maladie rien cerveau. À voir. Ah, donc c'est le genre de truc, c'est genre ceux qui travaillent la nuit sont plus intelligents. Non, oui, ce genre, non, c'est un peu ce genre de merde. Non, parce que là c'est testé sur des souris. Oui, mais déjà ils ont pas de doigts. Oui, non, les souris qui ont pas de nez. Enfin. Alors, quand j'ai vu ça, j'ai fait. Attendez, les souris cocaïnomanes. Non, mais c'est ça la nouvelle. Minus et Cortex. Je pense qu'ils leur prenaient avec une petite pince à épiler, ils leur prenaient la patte, ils leur mettaient dans le nez comme ça. Bon, celle-là, c'est curer le nez. On va voir s'il y a une différence. Mais les souris, c'est pas fait pour. C'est pour ça, elles sont devenues barjots. D'où j'ai des doigts dans mon nez, là, tout d'un coup. Et du coup, hop, le cerveau qui vrille. Et après, regardez, quand on se cure le nez, le cerveau vrille. Alzheimer de la souris. Oh oui. C'est ça. Très bonne réponse. Et 20 sur 20. Comme quoi, tu l'as mis sur la bonne piste. Eh oui. Bien sûr. Un travail d'équipe. Ça voudrait dire que notre mémoire est stockée dans les crottes de nez, qu'on enlève des petits morceaux. Ouais, c'est des bouts de cerveau, c'est pas des crottes de nez, c'est des petits morceaux. Mais oui, on est fou. Pour ça, il faut pas se laver. Faut les bouffer du coup. L'explication. Alors, l'étude a révélé que la chlamydia pneumoniae, type de bactérie pouvant causer des infections des voies respiratoires, comme la pneumonie, a exploité le nerf s'étendant entre la cavité nasale et le cerveau comme voie d'invasion pour attaquer le système nerveux central. En réaction, les cellules du cerveau ont commencé à produire de la protéine bêta-amyloïde. Qui est une caractéristique de la maladie d'Alzheimer. Non mais là c'est forcément de l'information. T'as vu les termes qu'il a utilisés? Ah bah c'est pas un statut Facebook qui dit bah moi là... je dors pas beaucoup alors je dois être intelligent. C'est forcément vrai. Tant que j'ai pas une vidéo d'une souris qui se cure le nez. Tout ce qui vient d'être dit c'est de la chiasse pour moi. Mais pour vérifier qu'elle a Alzheimer ou juste pour le plaisir peut-être de voir une petite souris Je te cache pas qu'il y a une part de plaisir. Mais surtout scientifiquement pour moi les souris ne se curent pas le nez. Et non, toute sûr. Cette étude ne rime à rien. Elles utilisent des mouchoirs. Oui, c'est connu. Très propre. Mais elles font le mouchoir du sportif là. Elles bouchent une narine. Non, faut savoir que les souris sont dégueulasses. D'ailleurs, elles n'ont pas de Kleenex, mais des vieux mouchoirs en chiffon qu'elles gardent dans leur poche, comme les darons. Bref, nous sommes les premiers à montrer que la chlamydia pneumae peut passer directement par le nez et pénétrer dans le cerveau. C'est Stromae la maladie. Chlamydia Stromae. Clem Jones, le directeur du centre de Clem Jones de neurobiologie. Nous dit que nous avons vu cela se produire dans un modèle de souris et les preuves sont potentiellement effrayantes pour les humains également. Le mot effrayant. C'est Halloween ou quoi ? Mais ça donne envie d'arrêter, mine de rien. Non. Si. Moi, ça donne envie d'arrêter de donner de l'argent à des scientifiques qui vraiment inventent. Bon, Adrien, sur le dernier podcast, tu disais les médecins traitants sont des merdes. Non. Maintenant, c'est les scientifiques généraux. Prochain podcast. Écoutez les vaccins. D'ailleurs, je tiens à dire. Que j'ai eu zéro message de gens pour me dire. Tout le monde était d'accord. Alors, tu les as insultés. Non, c'est la vérité. Parce qu'ils ont compris que voilà, je disais pas les médecins traitants, c'est de la merde, évidemment. Par contre, j'ai reçu un message qui m'a dit mon copain a fait son étude de médecine machin sur justement entraîner une IA à détecter des cancers de l'utérus et tout. Et en gros, donc c'était. Je suis dans le turfu, quoi. Mais moi, je te rejoins. C'est-à-dire, il analyse des milliers d'images de traces qui sont liées au cancer et tout ça. Et l'IA, au bout d'un moment, tu lui montres une photo d'un utérus et elle fait là, il y a un cancer. Bam! Oh la vache. Donc, voilà. T'es le patron de l'infotainment pour moi. Voilà, je retire ce que j'ai dit, là, la personne que j'ai croisée. Tu es le Vincent Bolloré du podcast. Attention! Partons sur TikTok. Ok, attends. TikTok, si c'est en Bretagne. Oh! Ce que vous voyez pas en audio, c'est qu'il a levé l'index en plus. J'ai levé le petit doigt et je l'ai battu de bas en haut. Un homme a posté chaque jour une vidéo de lui dans le but d'être engagé à faire le métier de ses rêves. Et c'est chose faite. À votre avis, que faisait-il dans les vidéos et quel métier a-t-il? Doubleur, comédien de doublage. Alors pas comédien de doublage, pas doubleur. Tu as dit le vidéaste. Quand t'as fait 100 vidéos, t'es vidéaste. Est-ce que c'est un métier qui est pas du tout dans l'audiovisuel? Alors qui est complètement dans l'audiovisuel. Bah mannequin. Pas mannequin. L'inverse total. Totalement. Acteur. Oui, mais je te demande une précision. Porno. Non. Ça aurait été bien. Sur TikTok, c'est quand même un peu compliqué. Mais il peut faire juste les dialogues. Bah dis donc. Marionnettiste. C'est pas dégueulasse ce que je vois. Pas cette douche. C'est pas dégueulasse ce que je vois. T'as dit. Ouais. C'est pas dégueulasse. C'est vraiment du très bon dialogue pour du porno. Hein. Bah dis donc, qu'est-ce que c'est que ça là? Oh, c'est pas dégueulasse ce que je vois. Cascadeur. Donc c'est comédien, mais précis, c'est un type de rôle très précis. D'action. Un type de rôle. Pas d'action. Enfin, oui, comédie en menti. Ah, doublure cul. Marvel, genre super-héros. Pas super-héros, pas doublure cul. Doublure cul. Et je rappelle, cascadeur. Je rappelle d'ailleurs que c'est pas dégueulasse ce que je vois là. Ouais. Cascadeur. Non, pas cascadeur. C'est acteur dans un style. Dans les films bretons. cinématographique précis. C'est même pas dans un style, c'est vraiment un rôle précis. Ah, c'est pour. Ah, c'est. Ah, il ressemblait à Louis Funès. Non. Ah, est-ce que c'est Spider-Man? J'ai vu un mec en Spider-Man passer pas mal. Harry Potter. Un sosie de Daniel Radcliffe. Et sosie de Jacques Brel. J'ai vu un reportage. Sur un sosie de Jacques Brel. Ouais, et le mec. C'est Pierre Ninet, non? Non, parce qu'il nous a dit qu'il avait fait passer un casting. En fait, on fait des callbacks sur les anciens épisodes pour inviter les gens à écouter. J'ai bien compris. Alors, non, c'est pas un sosie d'acteur. C'est pas quelqu'un qui ressemble à un acteur. C'est vraiment un type de rôle précis qu'on peut retrouver par exemple dans les polars, par exemple. Tueur en série? Non, dans les films d'action, effectivement. Un flic? Un bandit. Un médecin légiste. Vous savez quoi? C'est Bruce Willis. On sera il voulait devenir Bruce Willis. C'est vrai. C'est Bruce Willis. En même temps, il est bien dans la retraite. Donc il va falloir l'enlever. Il s'est cloué le nez. Parce qu'il ne joue plus, Bruce Willis. Il s'est arrêté. Il est bon, c'est vrai. Non, bah oui, il est malade, je savais pas, il est dément, je sais plus ce qu'il a. Il a plus de mémoire. Mais pourtant j'ai vu une news, alors peut-être c'était une connerie, peut-être c'était de l'infotainment, mais il y avait 10 comme quoi il y avait 10 films dans lesquels il avait joué qui sortaient cette année. Bah, il en fait beaucoup, il fait des petits rôles pour gagner de l'argent parce qu'en fait il arrête quand même. Bah là il a arrêté. Il apparaît 4 secondes. Il y a pas que les pièges qui sont de cristal, il y a la santé aussi et il faut en prendre soin. Ah merde, je suis ému du coup. Ouais, non, mais en mais vrai, oui, c'est la fin du. Fait, parce que vraiment, là, il a fait un post sur Instagram. Non, mais alors, si tu veux, je t'invite à suivre sa femme sur Insta. Exactement. Parce qu'elle poste plein de vidéos où il est justement en famille et tout. Et évidemment, c'est une partie visible, mais c'est cool. Non, mais ça fait plaisir de le voir. Regardez-le, il réagit plus. C'est ignoble. Non, il est entouré. Elle le filme, elle fait Bruce. Mais ouais, non. Alors, regardez votre icône là. Mais horrible. Non, c'est plutôt sympa. Demi Moore avait fait un post, ses filles avaient fait un post. Non, il est très entouré. Plutôt mignon. Ah, mais là, ça me fout. En fait, d'être une star extrêmement riche. Non, mais ça me fout un vrai choc parce que dans ma tête, il est resté le Bruce Willis d'il y a 30 ans. Mais c'est grâce au. Figé dans une époque. Ah là, il est figé. C'est parce qu'il est chauve. Aussi, ça permet de mieux vieillir. Aussi, c'est vrai. Je confirme. Je vais vous donner un petit indice. Il a été engagé dans CSI Vegas, les experts Las Vegas. Un nerd. Ah, médecin légiste. Non, il l'a déjà, mais on n'est pas si loin. Ah oui, la police scientifique, quoi. Un indique. Non. Un cadavre. Ouais, la dernière fois. Un cadavre, j'ai pas sur vous. Putain, mais c'est. Hey, je connais un petit peu les termes. Masterclass. C'est une masterclass de Justine Le Petit. Il mourait de façon différente dans plein de TikTok dans le but de décrocher un rôle de cadavre dans un truc. Et il a eu un rôle dans les experts Las Vegas. Il a fait le cadavre dans la piscine tout nu. Non, mais il a alors, dû le faire. C'était la façon la plus simple de passer à la télé ou dans un film sans devoir faire des auditions, précise Josh au Washington Post. Il y a un peu de paresse là-dedans, je l'avoue, reconnaît-il. Il a fait le mort tous les jours jusqu'à intégrer le casting d'une série ou d'un film. Le 25 octobre 2021, Josh postait sa première vidéo sur TikTok. On le voit allongé, immobile dans l'eau d'un ruisseau de la forêt. Ah voilà. Je vous invite à le regarder, c'est un peu marrant. Et voilà. Ça se trouve, sur le plateau, il était très mauvais. Il a respiré. Il toussait. Pendant près d'un an, Josh a répété la scène, perfectionnant sa technique et changeant à chaque fois de décor. Petit à petit, ses vidéos ont commencé à faire un véritable buzz. Voilà. Après 321 jours à jouer le mort et 321 façons de jouer le mort, je suis fier de vous annoncer que j'intègre le casting en tant que cadavre de CSI saison 2. Cadavre de CSI. Je vais faire ça. Et depuis, il va faire tous les cadavres de CSI. C'est ça. Il est dans l'épisode Death Rub, diffusé à la télé américaine ce jeudi 3 novembre, donc dans le passé, pour vous, mais pour nous, c'est aujourd'hui. Pour fêter l'événement, Josh organise une grande soirée projection avec tous ses proches dans un restaurant. Oh, c'est marrant. C'est bon délire. C'est bien. Un trentenaire originaire du Nord-Pas-de-Calais a eu l'idée d'une invention révolutionnaire qui pourrait aider pas mal de couples. À votre avis, quelle invention? Est-ce que c'est en rapport avec le sexe? Non, mais tu l'as dit de façon simple. Pas la machine à branler. Je trouve ça pas dégueulasse, ta façon de le dire. Est-ce que c'est un truc qui est vraiment intéressant ou on se dit non, c'est une grosse connerie? Genre un traducteur. Est-ce que toi femme, tu l'utilises? Je sais pas. On dirait une petite pièce de théâtre, ça. On dirait un petit sketch. C'est un projet, un vrai projet que j'ai. Il va faire un TikTok par jour sur son. Si elle dit j'ai mal à la tête, ça veut dire tu peux te la mettre sur l'oreille, mon pote. Ça, c'est une bonne traduction. Hein. Un traducteur de belle-mère. Non, c'est, alors c'est un peu une connerie, mais okay. En vérité, ça peut aider des couples. Est-ce que c'est donc un rapport deux, avec l'ubérisation? Tu vois, un truc très facile qui mais vient dans ton couple. De te et la qui... jouer, mais si, j'ai appris ça dernièrement. Le mot ubérisation. Oui, j'ai non, trouvé ça que n'a ça rien fait à voir avec l'ubérisation. Bah, j'avais envie de le placer quand même. Mais je comprends. C'est quelque chose de physique qui agit physiquement ou c'est juste Non non, c'est physique. Non, c'est une vraie invention, c'est pas un truc. Objet. D'accord, mais c'est oui. Un objet, c'est un produit. C'est pas comme un lave-vaisselle, objet. Non. Quand t'es à distance, genre un vibro qui marche dans ça. Mais ça a rien à voir avec les ronflements. Ça n'a rien à voir avec les ronflements. Ça existe depuis pour choisir les... un truc par rapport aux... des goûts, genre des programmes télé, j'ai envie de voir ça et moi ça. Oh, tu veux dire deux télés? non, ce n'est pas ça. Non, mais des lunettes c'est... avec chacun son programme. Et le temps qu'on passe, mine de rien, devant Netflix, ça change. Oh là là, plein de gens qui regardent des trucs. Et des fois, c'est plus longtemps. Ouais, non, mais c'est vrai. Non, mais on sent que c'est un vrai problème dans la vie de Valentin, par contre, parce que ça lui est venu tout de suite. Non, mais ceci dit, c'est le vrai problème de plein de couples. Enfin, ouais. Moi, choisir le film. Bien content de plus être en couple. Là, je suis bien tranquille. Je regarde ce que je veux tout seul. Tu choisis ton film en 10 secondes, du coup, maintenant. Ouais. Tranquille, quoi, ce que tu bien veux. Bien tranquille tout seul, là. Trop bien. Alors. Oh, ça me plaît ce que je vois. Non, c'est pas dégueulasse ce que je vois. Ouais, bah, c'est un vrai dialogue que j'ai vu. Je me branle. Alors. Pas actuellement, hein, je précise. Non, non, mais, non, personne n'a envie de te retourner. Attention. Est-ce que ça a un rapport avec la cuisine? Non. Est-ce que c'est quelque chose qui permet de mieux communiquer? Non. Parce que pour moi, c'est. Voilà. C'est la base du coup pour toi. Mais non, mais c'est ça. Non, mais fais sa bande annonce. Est-ce que c'est un médiateur qui vient? Moi qui adore faire les tâches ménagères et qui sait très bien communiquer. Et, voilà, dans le but de mieux faire l'amour, même si je suis déjà excellent. Ouais. Puis pour l'avoir vu dans une piscine, je peux vous dire que bon. Voilà, il faisait ça froid. Vaut le coup, ça vaut le coup. Froid, il faisait froid. Et il faisait froid. Après, si je suis pas voir, contre un coup d'un soir. Si vous voulez voir le phare breton, n'hésitez pas. Il y a un dolmen dans le phasard. Hein? Dolmen dans le phasard. Il y a un dolmen dans le phasard. Dans le c'était le dernier Mano, mais il est jamais sorti. Et celui-là, faut avoir mis de la posture magique pour le soulever. Je peux te dire, le menhir là, je peux. Adrien Menhir. Ah oui. Bon, Adrien, il fait chaud, chez toi, putain. C'était long. Ah, c'est ce qu'ils disent parfois, ouais. Allez, quoi, je parle de ma queue, c'est drôle ou pas? Quelle merde je suis, putain. C'est les allergies. Non, j'ai chaud en plus, je suis pas bien du tout. Pardonnez-moi. Il fait 40 degrés dans cette trigger warning, blague de beauf. C'est un personnage, ok? Je suis un rappeur. Si ça vous a choqué, c'était un personnage. Si vous avez trouvé ça trop marrant, c'est moi. C'est juste moi, Adrien Méniel. Donc, ouais. Voilà. Dans 20 ans, c'est un perso. C'est un perso. Ouais. Attention. Est-ce que c'est l'intervention d'une personne? Non. D'un tiers. Il a inventé une personne, lui-même. Non, mais un médiateur, genre une super nanny du couple qui déboule. Non, c'est une vraie invention, c'est un produit. Mais donc c'est un objet, tu dis ou pas? Ouais, c'est plus un produit, comme du liquide vaisselle ou comme. Ah, c'est pas du dentifrice, c'est pas électronique. C'est un. Bah oui, c'est pas lié au sexe, tu dis. C'est une texture, quoi. C'est une crème. Tu penses c'est une crème. Texture. C'est un boisson? Un détachant. Ça se mange? Non, pas un détachant, ça ne se mange pas. Mais ça peut aider les couples. C'est sexuel. Bon, attends, non, c'est pas sexuel. Éliminons. Ah, procédons par élimination. Ça, est-ce que ça a à voir avec les tâches ménagères ou pas du tout? Pas du tout. Ok, bon voilà. Donc déjà on arrête avec tous les. C'est pas ça. Merde. C'est une substance. Oui. Ça se fume? Ça se fume? Non. Et la moquette, mon pote. Bah, bien sûr, vous déjà. Ah, ça, c'est un diffuseur de bonnes ondes. Non. Je vais le trouver, putain. Il y avait diffuseur. Non, c'est pas un diffuseur, j'ai cru. C'est diffoule. C'est parce que quand elle a dit diff, t'as fait hop, hop, hop, hop. Ah non, c'est pas ça. Ça te passe des audios de diffoule. Diffoule. Pour mieux communiquer dans ton couple, c'est pas mal quand même. Ça diffuse sur des enceintes. Non, mais c'est pas un diffuseur. Non, c'est diffuseur. Non, mais c'est une texture, il a dit. Mais ça va être décevant. Je sens que ça va être. Non, c'est pas si décevant. Ça s'applique sur le corps? Non, mais ça, c'est dans l'air. C'est pas sexuel. Mais c'est dans l'intimité du couple. Et ça se manipule à deux. Un savon. Ouais, pas un savon. Ouais. Ouais, non, mais j'étais là. Attendez, ça se manipule pas à deux. Donc c'est vraiment chacun de son côté. Chacun de son côté. Bah, c'est peut-être juste du savon pour l'autre porc qui s'est pas lavé pendant 60 ans là. Non. Il est en couple et l'autre il est décédé. Un peu de respect pour l'autre porc. Ça va. Hein. Si je peux faire des blagues sur mes parents, je peux faire un blague sur un mec qui en plus s'est pas lavé pendant 60 ans. Pardon. Qu'il soit mort ou pas, j'en ai rien à foutre. Ouais, mais c'est des causes de sa mort, mon pote. Il s'est pas lavé, il en est mort. Donc là, tu rigoles de la cause de sa mort. Non, il a dit, on sait pas s'il y a un lien. Est-ce que ça modifie? Il est mort des mois après. Donc rien à voir. Est-ce que ça modifie quelque chose sur le corps? Non, pas sur le corps. Sur la tête? Dans l'esprit? C'est dans la douche, enfin, c'est pendant, dans la salle de bain. Non, pensez à intimité. Caca, pipi? Oh putain, je vais la voir. C'est un masque les odeurs. Non, c'est un désodorant. Ça empêche peu, d'une certaine manière. C'est une mousse. C'est un slip anti-près. Non, c'est une mousse pour mettre dans les chiottes et ça fait, on n'entend pas la merde tomber. Très bonne réponse. Ah, j'ai pas eu. oui. Même si j'ai beaucoup aimé le slip anti-trace. J'ai dit le slip anti-prout. Parce qu'il y a ça pour les chiens. Oui, parce qu'anti-trace, c'est vraiment torchez-vous le cul, tout simplement. Mais c'est inutile. Ça masque les odeurs du pet. Deux, trois petites feuilles de papier, là, ça marche tellement. La main. Non, Julien. Non, parce que là, la mousse, elle prend la crotte, elle fait hop, là, bien. Elle fait une prise du sommeil. À la crotte en lui disant c'est pas dégueulasse. Ça doit être que je pas mal quand même. De la mousse qui réceptionne. Un peu comme chier sur un nuage. C'est peut-être leur slogan. Ça s'appelle la mousse à plouf. Ah. Alors le nom est très bien. La mousse à pas de plouf du coup. La oui, c'est vrai. Oui. Tout seul dans son anti-plouf. Oui. Tout seul dans son appartement parisien, Jérémy s'est improvisé chimiste, mélangeant des ingrédients. Chimiste. Improvisé, ça fait peur quand même. Pour obtenir une mousse assez dense pour amortir la chute, éviter les éclaboussures. Et c'est aussi là, c'est là où c'est pas mal. Oui. Contenir les odeurs, oui, tout en étant inoffensive, non seulement pour le derrière, mais aussi pour la nature. Il chie dans un tapis et puis. Mais peut-être juste assumons. Que on a de la merde qui sort du trou de balle. Oui. Et parfois ça fait du bruit et parfois ça pue. Et attends. Et merde, quoi, putain. Je suis Nicolas Bedos, putain. Baisez-moi surtout. Branlez-moi. Je fais des films, branlez-moi. Que vous recevez la semaine prochaine. Pour mascarade. Ça a commencé en Patrick Sébastien, ça finit sur c'était tout le monde. Oh putain. Mais donc, d'accord. Voilà, et il dit entre mon métier de comédien et les à côté de serveur, ça m'a pris 3 ans pour mettre au point la bonne formule. C'est celle qui est en vente aujourd'hui et maintenant c'est l'activité principale de ce trentenaire. C'est hyper toxique pour l'eau, ça se trouve c'est. Non, justement, ça il dit qu'il a fait des ninjas dans les égouts et tout. Non, attends. Et je précise que l'intro du texte était seul dans son appart et c'est. Oui, bah oui. Peut-être t'as dû passer non, ce temps. Alors il raconte qu'il a eu l'idée justement parce que lui était gêné. Sa compagne. Alors il dit que c'est sa compagne qui était gênée, qui se retenait de faire caca. Non, mais au en bout étant d'un dans certain son appart. Temps, non, mais on lâche les vannes. Mais peut-être. Oui, mais lâche les vannes pour la Bretagne, tu veux dire. Bah oui. Bien sûr. Et par vannes, t'entends de la bonne merde de ton cul. Bah oui. Mais oui, bien sûr. Non, mais j'imagine que c'est pour le début. Mais non, mais moi c'est vraiment pour les Parisiens. Moi, je vous trouve un peu dur. Moi, je vous trouve un peu dur parce que quand ça fait pas longtemps que t'es avec quelqu'un, tu peux avoir envie. C'est pas que. C'est pas que en couple. L'exemple par exemple ce matin. Ouais. J'étais tranquillement dans la rue. On loge en ce moment une amie de ma copine. Oui. Je la connais pas tant que ça pour chier à côté d'elle. Il se trouve que nos toilettes donnent sur le salon. Et ben j'étais un peu gêné. C'est pas que tes toilettes donnent sur le salon, c'est que non, tes toilettes sont dans ouvertes limite. De toute façon, ça t'empêche pas de péter. De toute façon, elle va entendre des exactement. Trucs. Exactement. C'est ce que j'allais dire. C'est pas une mousse anti-pet, donc c'est vraiment de la merde. Un bon TikTok, tu montes le volume, tout le monde est au courant, mais c'est pas grave. On entend le TikTok en même temps. Oui, c'est un accord tacite avec le monde. Moi, de toute façon, ma technique, c'est toujours. Eh, je vais chier. Exactement. Mais c'est ce que je faisais sur le tournage. Mettre la lumière sur le malaise pour. Malaise, c'est comme les vampires. La lumière dessus, ça disparaît. Tout à fait. Putain, mais quoi? Je suis pas Nicolas Bedos. Et en fait, cet été sur un tournage, je faisais ça. Je disais au chef op, tu dis pas à ton équipe que je vais faire caca, hein. Et comme ça, Et ben moi, j'ai fait ça. J'étais pas bien et tout. Et j'ai dit bon, je vous le dis, je vais chier. Parce que là, en fait, le truc c'est qu'on tournait dans une maison. Ah oui. Et les chiottes étaient en plein milieu de entre la pièce où il y a les techniciens et la pièce où on tournait et tout le monde passait. Et c'était là où et les gens étaient maquillés aussi. Il y avait un donc grand miroir. Je vais chier. De toute façon, là, je peux pas dire autre chose. Oui, bah, rien, bon, je vais chier. Laisse-moi te maquiller. Je vais faire caca. J'ai fait ça aussi cet été. Effectivement, ça a libéré de dire bon, ça veut. Non, mais voilà, parce qu'après les gens ils disaient alors t'as chié. Oui, oui, je l'ai dit. Il y a pas de malaise. Et on sort tous du même endroit. Oh, ça va maintenant. D'un trou de balle, non. Je connais pas bien la biologie. Non. On n'a pas parlé d'un détail quand même, c'est que après il faut le récupérer du coup ou c'est à usage unique. Ça part. Non, ça part. C'est chimique, ça part dans la nature. Mais ça, ça va créer des trucs. Non, parce que s'il va le nettoyer, enfin, récupérer sa merde dans ses mains en bol. Ah, oui. C'est hyper bien cette méthode. Tu traverses la cuisine avec ta merde en croisant ta meuf. Non, coup, bah, c'est moins gênant maintenant. Une fois qu'elle t'a vu faire ça, après elle peut t'entendre chier, tu vois. Tiens, regarde. Tu vois, je suis d'accord avec. C'est ma propre merde. Je suis d'accord avec Valentin, je pense que c'est comme les cigarettes électroniques. Dans 20-30 ans, on va nous dire, non, fallait pas faire ça en fait. Ça crée des trucs. Le mec qui fait genre, c'est. Les merdes vont prendre vie. Si, les merdes. Ouais. Pour... Ouais, un non, bon film. C'est vrai que j'ai moins peur quand même d'un mec qui fait des ploufs dans les toilettes qu'un mec qui que je surprends en train de mettre une petite gélatine au fond comme ça. Franchement, ouais. J'ai plus peur de ce mec-là. Attention, j'espère que c'est pas de la gélatine et surtout pas de la gélatine animale. Parce que oh là, voilà. Wow, tu vas m'entendre, le mec. Ah là, tu vas sortir de tes gonds. Ah, il va m'entendre, le t'es mec. Une porte, c'est une porte défoncée. Là, tu n'es plus Nicolas Bedos, par contre. Non, oh, bah là, non, non, c'est Adrien Méniel. Oh non, là, il est Adrien. J'ai plusieurs facettes. Et je me souviens sur le tournage des emmerdeurs de Grégoire Montana qui avait fait. Oh, le blaze est lâché. Une excellente. Oui, il serait tout à fait d'accord. Une excellente vanne où il mettait une enceinte dans les toilettes. Ah oui. Ah, oui. Et à chaque fois quelqu'un allait aux toilettes, il foutait des bruits très bien, ça, énormes et ça me faisait pleurer. Il y a des TikTokers qui font des carrières. Eh ben oui. Eh ben lui, il l'a fait avant. Voilà. Mais d'ailleurs, le Japon a trouvé la réponse à ça de manière très simple. Dans leurs toilettes, ils ont des toilettes hyper modernes. Enfin, j'ai jamais essayé ça. Ça marche pas. Ça pas tout pas, le Japon, dire, hein, mais. Ouais. Si, c'est agréable. Souviens-toi à l'aéroport, on entend eu. Aïe, aïe, aïe. Juste, on entend des vagues. Plus des bruits de merde. Tu peux mettre des bruits de vagues, effectivement, pour ça masquer. Fait juste, ça fait juste. J'ai tellement j'ai envie d'aller au Japon. Juste pour juste ça. Un bruit. Pardon. Ouais. Oui, bah oui. Bah oui. Ou alors dans les locaux de Cyprien, où il y a des chiottes japonaises. Mais oui, mais j'ai pas osé. J'ai pas testé. Moi mais non plus. Moi, j'ai pas osé. Quelqu'un a testé. Bah vous êtes allé au Japon, donc vous aussi. Oh, mais vous êtes fait rincer l'arrêt tous les deux. Oui, bien sûr. Eh oh, on reste des mecs. On veut se faire rincer l'arrêt. Quoi putain. Bordel de merde. Si j'ai envie de fumer une clope, je fume une clope. Pissez moi dans la bouche, en fait. Je mettrai pas de masque. Quoi? Rincer l'arrêt. Et donc attends, pardon. Non, la vraie question. C'est tu es. Est-ce que vous avez utilisé des chiottes japonaises vous? Oui. Bah oui. Non, non, mais moi, toi aussi. Donc, jamais. J'aimerais. Non, parce que la vraie question, c'est pas est-ce que tu t'es rincé l'arrêt, c'est est-ce que tu t'es contenté de ça? Ah, parce qu'il y a d'autres fonctions. Parce qu'après, il y a le séchage, c'est ça que ouais. Non, mais parce... Oui, non, mais non, parce que tu n'as pas le séchage, sinon, non, c'est mouillé. Non, mais surtout, ah, tu n'as pas confiance. J'ai pas chié, quoi. Non, mais moi, j'ai toujours utilisé un papier après parce que j'arrive pas à me dire, bon, c'est propre, j'ai mis un peu d'eau, c'est bon, tu vois, j'arrive pas à me dire. Moi, je trouve ça plus propre que. Oui, mais les deux, mais tu n'as rien t'empêché. Par contre, c'est un peu fort, la première fois, j'avoue que je m'attendais un petit. Ah, il a dû sursauter, Valentin. Ah, le connaissant. Petite compile de Valentin qui sursaute là. Il y a trois vitesses. On la postera sur le compte du Flo. La féerie des eaux du Grand Rex, mais dans tes fesses. C'est à peu près ça qui. Mais c'est agréable. Mais pourquoi pas au final. Oui et non, quand même. Oui et non. Mais je crois qu'en France, il y a un gars qui a lancé un truc qui s'appelle Boku. Je crois, ou un truc comme ça. Oui. Merci Boku. Mais, non, mais c'est un peu ça. Et en gros, c'est un truc que t'installes toi-même ouais. Parce que les toilettes japonaises, c'est très cher. Et ça, je crois que son truc, ça coûte 150 balles. Faut pas rentrer dans trop de balles. Non, on fait ce qu'on veut. Voilà. Mais tu peux l'installer sur tes toilettes et sur ton arrivée d'eau française et ça te nettoie l'arrêt. Crah, alors t'es quand même obligé d'utiliser un petit bout de PQ pour éponger parce qu'il n'y a pas le séchoir. Ouais, mais tu utilises moins de papier. Ah, c'est ce qu'il dit. En gros, tu divises par 3 ou 4 ta consommation de et PQ. Et c'est beaucoup plus propre. Et c'est ce qu'il raconte. Plus propre. J'ai pas osé l'installer, enfin, j'ai pas osé l'acheter encore, mais là, je sais qu'il y a un Français qui commercialise ça. Toi, t'as le truc, le petit. Oh, je serais ravi. Mais si vous voulez nous en envoyer d'ailleurs, beaucoup, n'hésitez pas. Toi, t'as le petit promontoire pour bien chier là chez toi. Alors oui. C'est parce que oui, j'avais à la base l'excuse, c'est parce que j'avais ma compagne enceinte, mais depuis je l'utilise avec plaisir. C'est le petit truc où tu mets tes pieds un peu en hauteur, parce qu'en fait normalement l'humain est fait pas pour chier en angle droit quoi. T'es censé avoir les genoux un peu levés pour le. Effectivement. Les deux balancelles là, ouais. Mettre de hauteur. De gynécologue. Ouais. Il chie allongé là. Non mais moi je suis sûr que c'est génial ce truc, mais à chaque fois que je vais chez quelqu'un et que je vois ça. Bah j'ai tout de suite l'image d'eux en train de chier. Oui, bah oui, je vois. Tout de suite quoi. Mais moi j'essaie avec tout le monde. On se connaît bien. On parle des petits avec, les, avec les genoux là, oui. De part et d'autre des joues là. Bien comme ça là. Comme alors au Japon, y a les... ça chauffe le siège aussi. Ça c'est pas mal. Oh là là. Ça c'est, ça, c'est un coup à ne plus sortir des chiottes moi. Enfin, déjà que je reste très longtemps, déjà par principe. Mais vous, toi par exemple, Adrien, quand t'es en couple, t'as pas de tabou. Le caca t'assumes, les proutes, ok. Oui, y a pas de poison chez lui, tout est dans la même pièce. Bah, il sort ses gonds régulièrement, donc ça sert à rien de mettre c'est des naturel, portes. Hein. Moi, je dis, il faut se débarrasser de ces trucs-là le plus vite possible. Moi, je comprends pas. Après, chacun, voilà, vit son couple comme il l'entend. Mais bien sûr. Les gens qui sont ensemble depuis des années et qui disent, ah non, nous, on pète pas l'un devant l'autre. Ouais, c'est vrai. Moi, je comprends pas quoi. Mais en même temps, moi, je dors en caleçon aussi. Je n'aime pas dormir nu. Ah, mais ça n'a rien à voir. Quel est moi, le rapport? Non, mais c'est des trucs d'intimité que je garde en mon, que j'aime bien garder pour moi quoi. Mais elle t'a déjà vu tout nu. Non. Non, ils font le truc où c'est ils font un trou dans le drap et il a juste sa bite sortir. Il y a un gloriole. Ouais, c'est ça le trou. Hein. Je crois que c'était. Non, c'est pas Halloween. C'est pour le chat, mais c'est pas un costume de fantôme d'Halloween. Non, non, c'est vraiment, c'est comme ça qu'on conçoit. Une notif. Ça y est, on l'a perdu. Son rire était une notif. Oui, c'est vrai. Non, mais non, moi je trouve qu'il faut fantôme à la quéquette. Non, mais c'est un truc. C'est un truc. Tu vois, par exemple, moi dormir en caleçon, pourquoi? Parce que j'aime bien. mine de rien, quand t'enlèves ton casque, la nudité reste encore un espèce genre, de truc. Ta queue est un cadeau, quoi. Pas ça, mais le mec, mais dans rareté, mais dans les deux sens. Un mets précieux. Mais tu me chies à la gueule, mais je te jure. Dans les deux sens, même le fait du coup d'enlever ses vêtements rajoute un petit truc un peu excitant dans mon couple. Moi, je trouve. Moi, parce que j'ai froid. C'est pour ça que la nuit, je suis moi, pas moi à poil. Je dors en caleçon parce que j'ai essayé une fois de dormir à poil. Ça me gratte. Seul, hein, je parle. Ouais. Bah, non, on savait. Ça m'a. J'étais excité. Je sais pas si c'est. C'est bizarre. Peut-être qu'il y a un frottement. Mais ça rejoint ce qu'ils disent parce que. Qu'est-ce que dit Flo ça, tu associes ça ou huc. Ouais, de quoi bah, d'être à poil, complètement nu dans un lit. Ouais. C'est pas. Non, je pense que c'est vraiment un truc mécanique de. Bah oui, oui. Est-ce que tu te frottais pas au drap quand t'étais enfant? Il doit y avoir quelque chose derrière ça. Tu veux que je te prête mon drap à Gloriole? Parce que toi, c'est mon drap, je peux. En tout cas, il faisait chaud, je me suis dit, vas-y, je dors en caleçon parce que je veux être le moins couvert possible. Et non, c'était trop. Non, moi j'associe, c'est ce que tu dis un peu, je pense, j'associe la nudité un peu à l'érotisme, tu vois. Et donc, du coup, c'est pour ça que je garde mon drap. Et c'est pour ça que sur Insta, on peut pas te poster des gougouttes. Parce que oh là là, attention, la nudité. Ouais, de toute façon, c'est du sexe. Les réseaux sociaux, de toute façon, c'est la dictature. Non, de toute façon. La nudité, c'est voilà, c'est juste. Chacun fait comme du sexe. Chacun fait comme il veut. Non, c'est pas cause. Chacun fait comme il veut. Julien, toi, t'avais des tabous dans ton couple. T'as des tabous. Oh, tu me prends de quoi? Le jeu tabou, vous l'avez ou pas? Le jeu, oui. Vous l'avez ou pas? Ou un Cluedo. Ouais. J'ai jamais joué. En vrai, je serais curieux d'y jouer. Tabou, c'est vachement bien. C'est quoi? Tu dois faire deviner un mot sans dire une liste de mots. Par exemple, de dire ah oui, okay, sable, mais j'ai pas le droit de dire plage, grain. D'accord, tu perds. Silicium. Là, j'ai perdu ce sixième mot. T'as dit quoi? Silicium. Oh là là. Ah, d'accord, ok, ouais. Qu'est-ce qu'il est intelligent? Silicate. Vous voulez en parler un peu des choses? Bah, surtout que l'actu est brûlante, quoi. Donc, je pense qu'il faut. Non, mais en plus, je dis ça, vous avez fait une émission. On avait fait une émission qui est toujours dispo. Qui est, effectivement. C'est pour je sais pas combien d'années d'ailleurs. C'était l'anniversaire de Suricata. D'ailleurs, ça a été les 10 ans de Golden là. Oui. Eh ben oui. On va faire un floodcast d'ailleurs. Ouais, mais il faut qu'on trouve une forme qui. Ouais. Parce que ça va être un sacré bordel. Bah alors là, comme la France. Ouais. Comme la France. Ah la la la la la la France. Fond dans l'actu. Ah bah nous, on a tout. C'est de l'infotainment. C'est de l'infotainment. Tout va si vite. François, si vite. François, ton omelette. Je veux que tu dises au chocolat, François. Il y a des morceaux que tu montes quand même dans l'émission, non? Ou parce que là, les gens n'ont plus rien. Là, il y a rien là. Là, pour moi, tout est de l'or. Du caviar. Parce que là, les gens ne comprennent plus rien. Vous ferez plus que des onomatopées, l'émission, en fait. Il y a un lexique à la fin, il y a un truc, il y a des numéros où on peut cliquer. On a c'est ce qui fait que quand on fait un business review avec Acast, ils nous disent alors beaucoup de gens sont perdus en arrivant et tout, et on fait ouais, tant pis. Les nouveaux arrivants ne comprennent pas. En fait, bah, ouais. Ouais, pour ça que Oli a détesté écouter le floodcast, notamment de ses propres. Ah, j'ai adoré, de j'ai son entendu, propre oui. aveu. Là. J'ai entendu sa sincérité. Non, c'est trop bien quand on est allé. Chez France Inter et que le seul extrait du podcast qu'ils ont passé, c'est Oli qui dit putain je déteste les podcasts, c'est de la merde. C'est trop cool. Sans doute ils ont choisi ça par hasard, je pense. Et c'est après, trop bien. Et après, on a fait un sketch où le concept du sketch c'est qu'on est des grosses merdes. Que les podcasts sont c'est de la merde. Non, c'était chambé quoi. Au hasard. T'es non bien mais trop bien. Su. Trouver, Il est tranchant aujourd'hui, hein, Adrien. T'as vu un ça s'écoute. Ça s'écoute. C'est l'Adrien qu'on connaît quoi. Là, je reprends du poids. J'ai eu le Covid, j'ai dit ah, COVID. Putain, on a qu'une vie là. Il parle de lui à la troisième personne. Faut que je remette des petits là. La fourmilière pour moi, elle est trop intacte. On est passé de Nicolas Bedos à Alain Delon très vite. Alain Delon, j'avais vu une interview de lui où Alain Delon, qui est quand même dans l'esprit des gens l'icône, genre la beauté, le beau gosse français. Ne réveillez surtout alors pas. Alors qu'il s'est pas lavé pendant 5 ans. C'est vrai. Et c'était une interview où il disait oh yo, la dernière fois. Les trottinettes là, vous avez vu à quelle vitesse ils vont là? Dernière fois je sors de chez moi et il y en a un qui est passé juste devant moi. Il a fait ce bruit là. Et vraiment c'est bon allez, elle interviewait plus là, c'est vraiment juste un vieux quoi. C'est Alain Delon est le flic. La trottinette qui arrête. Il aurait pu me rouler sur le pied, disons. L'escalator, ça me fait peur, ça va vite. Et puis alors ma petite pakistanaise, bah elle me vole mon argent. Bah, alors à chaque fois, on fait quand on exactement. L'escalator, oh yeah. Et après tu dis la petite Pakistan. Si quelqu'un est fidèle du Floodcast, on fait la même vanne à chaque fois. Il y a eu les chevaliers du pardon, ciel. Pardon, mais ça me fait penser à dans la chose. C'est dans l'actu, moi aussi je rebondis sur l'actu. Mais Majax avec les Roumains aussi, la qualité. Nous a fait un drift. Ah la vache, d'une gratuité. Qu'il a fait. Alors vous, je l'ai pas. En gros, on lui pose des questions sur je sais pas quoi. Genre, alors vous. Non, est-ce que vous êtes pas tenté d'utiliser la magie pour roublardiser dans le métro par exemple? Gérard Majax, qui est un magicien français connu parce vieux, que tout le monde oui, culte et vieux monsieur. Voilà. Ouais, ouais. Et on lui dit ouais, est-ce que vous n'êtes pas tenté d'utiliser vos tours de magie parfois? Et il dit oh, bah de toute façon, je rassurerai toujours moins bien que les Roumains dans le métro. Il fait pour faire disparaître les portefeuilles. Enfin, tu fais bah Gérard. Allez, la suite, la pub. Mets ton chameau roi. Eric Antoine, il est aux petits oignons à ce moment-là. Gérard. Contrôle rétro angle mort. C'est un tour de magie. Quelqu'un a pris ça. Cela dit, l'animatrice le recadre. Elle dit derrière, oui, effectivement, si c'est de l'humour, c'est raté. Enfin, tu vois. Ouais. Je trouve ça bien d'ailleurs. Il y a plus en plus de. Enfin, plus en plus. J'ai deux exemples. Mais justement, quand il y a des. Avant, quand il y avait les gens, des savaient pas comment ça, réagir. Ouais, ouais. Genre quand Sarkozy, il avait dit son truc sur les singes horrible là. Ah, il avait tout le monde était genre ah oui, d'accord. Il avait confondu. C'est raciste en fait. Mais je pense bien que on commence à reprendre. Mais je pense que c'est pas facile à faire en vrai pour défendre les journalistes parce que tu sais, quand il y a un petit. Un moment de flottement ou quelque chose d'un peu choquant. L'immédiateté, la répartie, c'est pas ce forcément, moment, il a un peu envie de botter en touche, envie de passer sur autre chose. Ouais, mais en même temps, enfin, c'est ton émission. Non, mais effectivement, c'est si tu dis rien, ça veut dire que c'est. Tu cautionnes. Tu vois, il y a un truc. Je comprends que ça doit être. C'est dur à faire. Non, mais effectivement, ce qu'elle a fait avec. Mais surtout sur du direct. Là, en plus, elle était en direct. Oui, puis sur de l'ambiance, là, c'est vraiment. C'est un flottcast filmé, quoi. Enfin, ils sont vraiment en train de discuter et tout. Donc, effectivement, c'est pas facile de venir péter l'ambiance en disant. Oups, ce que vous avez dit. Non, je comprends. Mais. Bravo, bien wesh. Bravo aux gens qui le font. Nos régions ont du talent, toujours. Une parisienne a créé un service unique au monde et que nous pourrions tous utiliser un jour. À votre avis, lequel? À n'importe quel âge? Oui, à n'importe quel âge. Le métro. Elle n'a pas inventé le métro. Est-ce que ça fonctionne par abonnement? Non. Est-ce que c'est payant? Ah, c'est payant. Oh. Attends, c'est. Ah oui, c'est payant. Rien. Elle a inventé un service qui pourrait révolutionner la vie quotidienne. Attends, c'est un service qui se paye une fois. Qui est unique au monde, j'ai dit. Mais j'ai pas... C'est un service que tu payes une fois à chaque fois que tu y vas. Oui, mais tu y vas qu'une fois, donc c'est ça. Ah, tu y vas qu'une fois? Est-ce que c'est sexuel? c'est pas dégueulasse ce que je vois là. C'est la question, oui. La question coquine. Alors, c'est pas sexuel. C'est une formation. Mon zizi pote que tu es. On peut le payer avec son CPL? Non, on peut pas. Est-ce que ça a un rapport avec la longévité? Quoi, c'est-à-dire? Bah, on c'est très précis. C'est bah, par exemple, pas se laver, qui... ça permet de vivre plus longtemps. Oui. Voilà. Non, pas du tout. Après, tu vas, elle te lave pas. Ouais. Sympa, non? Non, mais tu dis, on l'utilise qu'une fois, c'est un gros indice, oui. Ça quand même. Ça nous améliore, est-ce que ça nous rend mieux? Même si je m'améliore. Oh, j'en rêve encore! Elle passe ivre mort! Est-ce que ça a un rapport avec la mort? Ça a un rapport avec la mort. Ah bah c'était pas loin que la longévité, c'était pas si con. Oui mais c'était très donc c'est une nouvelle façon, c'est pas une incinération, pas machin. Ah on se clone. Non. Suicide assisté? Pas suicide. On se cryogénise. Non, en France donc ça m'étonne. On fait un comme le mec de la Nupes, un hologramme de nous. Est-ce que c'est un service un mec à de la Nupes pour dire Mélenchon? Oui, elle est à la pointe quand même. J'avais plus. Comment il s'appelle ce mec de la Nupes? Ah oui, Mélenchon. Bien joué. Donc c'est un service à ton enterrement? Oui. Il a rien derrière. Non, j'aime bien parce que. Non, mais oui. Non, mais c'est vraiment une réponse. Pour mettre des Mélenchon qui vient faire ton enterrement. Pour mettre des rétros sur le cercueil pour que tu vois un peu. Non, elle fait rire les gens. Elle fait des blagues. Elle vient t'imiter. Elle vient en cosplay de toi. Tu deviens un animatronique. Non. C'est pour te foutre des petits moteurs. L'hologramme, c'était con. C'était comme dans la Pirate des Caraïbes. Est-ce que c'est elle qui fait une performance? Elle fait aucune performance. Elle révolutionne une façon de faire. Oh, il y a quelqu'un qui vient jouer toi. C'est ignoble. Non. Je viens de le dire. Je viens de le dire. Non, c'est pas ça. C'est plus en enterre, c'est pas en brûle, c'est autre chose. C'est pour les porteurs. Pardon, je t'ai. Non, mais vous êtes autour. C'est autour des porteurs, c'est autour de l'enterrement. Pensez enterrement, il se passe quoi dans l'enterrement? On met sous terre. Et un gros ballon de basket, un gros panier de basket, ils te jettent dedans. Ouais, c'est ça, on jette dans l'air. Et ils font un 3 points. Ils disent Kobe, bam, ça tombe. Non, c'est pas par rapport à moi. Non. C'est parce que c'est le truc de quand tu jettes un truc dans une poubelle, tu cries Kobe. Ah bon? Je sais pas. Eh oui, non, ça n'a rien à voir avec ça. C'est pas pour aider à porter, pour que ce soit moins lourd. Des petits ballons d'hélium pour. Comme oh, un drone, comme... un drone qui un t'emmène. Drone. Oh, non, putain. Mais on n'est pas loin. Un robot. C'est autour du corbillard. Ah, c'est électronique. Non. C'est un corbillard comme les party bus là. C'est plus un cercueil. Il y a une boule à facettes dedans. Il passe Venga Boys à fond. Les disco bus à Paris là. Oh, ça, c'est le même. Des mecs qui soulèvent le cercueil. Oui, oh bah excusez-moi. C'est les vrais mecs qui viennent le faire. Est-ce qu'il y a un cercueil encore dans l'histoire? Il y a encore un cercueil. Okay. Mais c'est autour du corbillard. C'est autour du corbillard. Il est électrique. Il est. Non. Et il se conduit tout seul. C'est une DeLorean corbillard. Non. Elle s'est. Non, excusez-moi. Non, mais attends, tu rigoles. Non, mais t'es pas si loin en disant électrique. Mais une voiture autonome. C'est pas une voiture. Un hélico. C'est un cercueil qui bouge tout seul. Non, avec des petits trous. C'est un vélo. Un vélo. Très bonne réponse d'Adrien Méniel. Le, la corbicyclette. Jamais je dis ça. Écoutez-moi bien. Jamais de ma vie. Ça s'appelle une remorque. Charrette. La corbicyclette. C'est exactement ça. Corbicyclette, jugez flic. Ah, donc c'est pour les écolos qui. C'est pour les écolos qui veulent corbicyclette. Corbicyclette. Oui, voilà, exactement. C'est pour réduire l'empreinte. C'est lourd, hein, putain. D'accord. Ah bah elle a des mollets. La dame. C'est elle qui tire, c'est pas Virac. Non. Bah, elle est meilleure graveur quand même. Enfin, quand j'étais au courant de ce qui se passait dans le cyclisme, c'est sûr. C'était il y a 50 ans. En tête du peloton, c'est ça. Regardez-moi ça. Son entreprise s'appelle Le Ciel et la Terre. J'aime pas. Et donc en fait, tu mets le petit cercueil, effectivement, dans une espèce de remorque. Bah oui, c'est écolo, mais non, c'est non pour moi. Ça paraît difficile de se moquer quand même. L'image hein, est. Ouais. Ouais. Le design n'est pas. Mais l'idée est plutôt bien. Je n'ai pas de fin de phrase. Non, mais c'est les cérémonies funéraires accordent une place importante au symbole. À l'heure où il est. C'est-à-dire au cercueil, oui, bah, plus ou moins, oui. À l'heure où il est de plus en plus question de sobriété et d'un autre rapport à la mobilité, Isabelle Plumereau, fondatrice des pompes funèbres Le Ciel et la Terre à Paris, a lancé la corbicyclette, le premier corbillard vélo. C'est en le nom, France. En fait. Je viens de, pardon, je viens de mettre le doigt sur ce qui me plaît pas, le nom, la corbicyclette, effectivement. Bah, en fait, ce que dit Isabelle Plumereau. C'est, je crois que dans certains cas, et je ne vais pas proposer ce service à tout le monde, parce qu'il faut savoir qu'elle, à la base, elle gère des pompes funèbres. Donc si tu vas te faire enterrer chez Le Ciel et la Terre, elle t'impose pas le vélo. C'est ah bah j'espère. Le vélo de là. Oh, oui. Vélo de lui, vélo de là. Tout ce qui peut adoucir le vent de la séparation est à prendre en compte. Évidemment, je n'entends pas remplacer les corbillards classiques, mais on peut imaginer... Bicyclams. Ouais. Moi, je cherche un truc avec VTT depuis 10 minutes. Corbike, si tu veux toucher un peu les jeunes. Corbike, tu vois. Cherche autour de VTT. Corbécane. Non, mais tant qu'il n'y a pas de descente un peu trop raide, ça le fait quoi. Bah, c'est ça. Bah, ça elle arrive en wheeling hein, quand même. C'est un peu plus. Wheeling Rovelli. Oh là là. Oui. On peut imaginer que marcher derrière une camionnette diesel est une attitude plus subie qu'entourer le défunt autour de la corbicyclette, qui possède d'ailleurs des barres latérales pour tenir le convoi. Et ça fait plaisir. Sinon, des chevaux, hein, à l'ancienne. C'est... Oui, pourquoi pas. Mais je crois que. Dans l'exploitation du mal. Oui. Oui, pardon. Question géographie. Ben non, mais de toute façon, tu ne peux pas trouver une once de construction chez ce mec. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un bout de bois, pas un bout de ciment. Il est totalement déconstruit. Il n'y a plus rien qui tient debout, oui. Il n'y a plus rien. Et voilà ce que ça veut dire. Bah, évidemment. J'aime bien les bestioles. Après, ça reste pas dégueulasse hein, quand je le vois. C'est hein. Oh, c'est pas dégueulasse. Ce que je vois, c'est pas dégueulasse. Ce que je vois. Oh, c'est pas dégueulasse ce que je vois. Question géographie, savez-vous ce qu'est le Listembourg? Oui. Oui. Alors, oui. Vous pouvez expliquer ce que bah c'est. Bah oui, parce que. Génial la combini là avec vos news insolites, mais du coup je les vois. Moi ça m'intéresse parce que justement on en a parlé hier ou avant-hier avec Valentin et j'étais curieux de connaître, donc racontez-moi. Moi je sais juste que du coup, t'es au courant toi? Bah j'ai vu le concept vite fait. Oui voilà, moi je connais juste le concept aussi des gens. Dites aux gens qui ne savent peut-être pas. Moi ce que j'ai compris c'est qu'il y a quelqu'un qui s'est amusé à rajouter un pays à côté du Portugal. C'est ça. Pour faire une blague aux Américains parce que souvent on part du principe que oh là là les Américains ils sont débiles, ouais. Ils sont pas capables de placer un pays qui est, oui, du coup à l'autre bout du monde est tout petit, ouais. Selon eux, sur la map, ouais. Et donc du coup on va essayer de les prendre. Donc moi c'est ce que j'ai comme info. C'est et ça. Après les gens ont créé des ou je sais ça, quoi, se sont ça. Amusés à faire vraiment croire que c'était vrai, à poster des photos en disant oui j'étais en vacances la semaine dernière. Ouais, et il y a eu que même ça le prenne des JO voilà. Et les États-Unis sortent de l'OTAN ouais. Du coup c'est la galère. Là, en ce moment et c'est la vraiment... Russie a envahi le le Listembourg. Le Listembourg. Non mais c'est effectivement c'est parti d'une blague, un pays fictif inventé sur Twitter pour se moquer comme tu dis des Américains parce que ouais, ils connaissent pas d'ailleurs la Bretagne c'était ça à la base. Ça n'existe pas mais il y a que les gens qui ils sont pas allés, qui savent. Elle s'est détachée. Tout est, tout est parti d'un simple tweet de Gaspardo, un utilisateur de Twitter à 250 000 abonnés, et qui auto-proclamé président. Bien joué. Petite vedette. Hein. Ouais, bravo. Je suis sûr que les Américains ne connaissent même pas le nom de ce pays. PTDR a-t-il tweeté Ce pays PTDR comme un journaliste dans les années 2000. Ouais, j'avoue. PTDR a-t-il tweeté? Ce pays imaginaire a été mentionné dans de nombreux messages sur les sociaux. Et c'est là où pour moi, parce que je voulais en parler, parce que ça lance un sujet où moi je trouve qu'il casse le jouet toujours. Ça a été repris évidemment par des marques et des politiques comme Manon Aubry ou l'ex-candidat à la présidentielle Éric Zemmour et Jean Lassalle. Des entreprises telles qu'Amazon Prime Video, Waze, quand, les quand jeux. Quand Zemmour reprend ta blague, c'est vraiment que c'est terminé. Alors, cela dit, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que le gars qui a créé la blague a tout simplement dit non, mais toi, non. Genre, évite de récupérer ça pour ta merde, voilà, voilà. Pas mal. Au-delà de Twitter, l'Istanbul a même eu le droit à sa page Wikipédia, mais qui a été très vite supprimée. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que vous ne trouvez pas que ça casse toujours un peu les délires, quand même, tout ça, ce truc de, quand c'est repris par des marques et tout. Là, oui, ça a été très vite, quoi. C'est un peu inévitable, c'est d'un coup quand ça prend. Ouais. C'est comme s'il y avait le signe de Jules dans un film. Oui, après, moi, je quoi, trouve. Rien de quoi, pour me faire le contre-argument, moi je trouve que au moins c'est de la publicité qui est plus agréable à digérer qu'une publicité éclatée avec laquelle tu connectes pas du tout, quoi. C'est qu'au moins là ils sont dans le même délire que toi pendant un moment donné. Oui, mais en non, fait si c'est bien fait, effectivement, le problème par contre c'est que ça peut être cringe, c'est que tu peux être dans le cringe, si c'est bien fait ça peut être. Mais quand est-ce qu'il y a des exemples de bien fait? Ah bah j'ai pas vu après ce qui a été fait sur. Non, c'est vrai qu'au tout début, de manière générale, non mais au tout début Burger King, je trouvais qu'il y avait des idées ou mine de rien, mais peut-être parce qu'on en a trop eu aussi et que maintenant on est lassé. Mais je me souviens que les premières pubs un peu de Burger King ou les trucs autour de tweets ou de hashtags, ils font des vannes dessus. Souvent je me disais putain c'est bien foutu. J'ai pas d'exemple précis, ouais, mais je me rappelle plus. Mais je me souviens de me dire ils avaient mis par exemple des mauvaises critiques en avant ou des trucs comme ça. Et à chaque fois, je me dis, oh, c'est quand même rigolo de faire ça. Oui, ou... mais il y a souvent aussi sur des CM en vrai qui sont très doués, quoi, sur des community managers sur Twitter qui ont de la répartie, qui jouent des failles entre guillemets de la marque. Sur TikTok, ça se fait beaucoup aussi. Maintenant, justement, même on est passé dans le un peu trop, justement. Mais je sais pas si vous avez déjà vu ça sur TikTok. Il y a souvent des gens qui parlent d'un sujet ou autre. Et en fait, t'as le compte de la marque en question qui vient répondre, qui vient faire une blague. Il y a un mec qui s'était retrouvé à voir toutes les équipes de sport du monde entier quasiment à venir commenter dans le même commentaire. Ah, commentaires sur un TikTok et vraiment t'avais les Spurs de NBA, enfin t'avais tout, c'était assez dingue. Non, donc ça, c'est quand même rigolo. Moi je trouve que c'est dans tous les cas c'est intéressant, la publicité, le marketing, il y a des trucs qui sont rigolos à faire. Mais des ça fois je trouve malin, qu'il y a mais ouais. En même temps je trouve que ça tamponne quelque chose qui est dommage, quoi. Mais c'est peut-être parce que je suis communiste, non, je sais pas, non, mais je trouve que non, mais je trouve que ça tamponne quelque chose, je sais pas, qui gâche un peu la blague, ouais, quoi. Moi, j'ai toujours moi, un peu à 100%. Ouais, j'ai toujours même un si peu... c'est bien fait, il y a un côté genre c'est dommage, laissez aux gens le... enfin je sais pas, et parce qu'en fait puis créer votre truc, enfin je sais pas, oui, oui. C'est obligatoirement de la récupération, quoi. Et j'ai l'impression qu'en même plus même si c'est bien fait, il y a un côté genre mais moi en plus j'aime pas quand c'est fait et que les gens en plus félicitent la marque, genre. Enfin, tu vois, en plus, il y a un côté maintenant aussi de ah, bien joué, alors que bon, non, oui, c'est leur. Ils récupèrent un truc. Oui, voilà, c'est ça, exactement, tu vois. Mmh. Genre, putain, masterclass du CM de. Non, ça, c'est juste, c'est son métier. Alors, c'est marrant, moi, j'ai. Alors, c'est pas vraiment lié, mais c'est une remarque que je me suis fait. J'ai l'impression que avant, quand à Halloween, on partageait genre les costumes de gens lambda, mais qui étaient genre chamés, quoi. Ouais. Et j'ai l'impression que maintenant, on partage juste ceux des stars. Ceux des stars qui sont genre juste pas. Kim Kardashian, je l'ai vu mille fois passer son truc de. Voilà. Alors, y a, bon, Heidi Klum, oui, c'est marrant. Heidi Klum, c'était terre, fou. Elle, c'est non, mais Heidi Klum, elle a vraiment elle a un truc là-dessus, non, mais depuis des années. Je suis d'accord, mais déjà, il y a souvent y a un côté genre, oui, bah il est super son costume parce qu'ils sont richissimes et ils ont payé un gars pour je lui faire. Je me suis dit ça sur Kim Kardashian, moi. En fait, moi, oui, bah. Ça, je sais pas, il y a un côté genre mais est-ce qu'on peut arrêter juste de d'idolâtrer des gens juste parce qu'ils sont connus et ouais il s'est déguisé, oui bon super, mais en fait non, mais moi c'est ça que je trouvais cool avec Halloween, c'était les gens lambda qui déployaient un peu des trésors de créativité pour créer des costumes chambés, et maintenant c'est genre ah regardez il s'est déguisé en Bart Simpson, trop marrant, tu fais oui bah c'est juste parce qu'il est connu, sinon le costume il est vraiment lambda, quoi. Mais cela dit, c'est pas. Ouais, je trouve que c'est pas si lambda. C'est quand même. Mais là où je te rejoins, c'est que c'est des. C'est lambda. Non, c'est que c'est des. C'est plus facile pour eux d'y avoir accès, effectivement. Non, quand mais. Kim Kardashian, quand elle fait Mystique, parce que c'était ça son costume, c'était la X-Men, tu dis oui, bah elle a dû appeler la personne qui l'a fait sur le film, le non, payer mais... extrêmement cher. Enfin voilà, c'est l'équivalent d'aller chez Jiffy pour elle. Non, vois, mais genre Lizzo, elle s'est déguisée. Alors j'adore Lizzo, hein, super. Elle s'est déguisée en Marge Simpson. Ouais. C'est pas fou. il est bien fait, mais c'est pas. Tu te dis pas, waouh, oui, c'est la mienne à mais je pense, que, oui, mais je pense que c'est pas la faute des stars en elles-mêmes. Non, elles s'amusent non. à faire la promo. Non, non, le problème, je dis pas c'est les stars, les... je dis nous. Mais non, après, mais c'est les sites qui relayent parce que le moindre truc. Moi, c'est vrai que nous aussi, je me rends compte que je tombe à fond là-dedans, quoi. Tu sais, dans le nombre d'articles que j'ouvre. Alors, c'est les discours. Non, mais ouais, des trucs éclatés. En fait, je les ouvre, quoi. C'est dur de. C'est surtout notre faute. Non, mais il y a un truc. Ah, mais c'est la faute. C'est aussi nous. Pourquoi on est attiré par ces merdes? Est-ce qu'on peut pas se surveiller un peu et dire mais on s'en branle, quoi. Alors cette semaine, c'est le 11 novembre, célébration de la fin de la Première Guerre mondiale. L'armistice, mais le, comme je l'appelle. Bien sûr. Mais le 11 novembre, c'est aussi une journée mondiale de quelque chose. À votre avis, quoi? Alors, d'un sentiment? Pas d'un sentiment. D'un animal? Non. De rapport avec le cul? Non, pas de rapport. Non. Ah oui, ça pourrait, mais c'est. Non. Si t'es à une certaine pratique sexuelle, non. Ça peut avoir un rapport. Non. Par exemple, c'est la journée mondiale de la voiture, et si tu mets ta bite dans un pot d'échappement. Ok, c'est... alors c'est tout à fait sexuel. Non. La Bretagne. Non, c'est. Alors, non, en Bretagne, hein, ceci dit. Est-ce que ça se mange? Partout. Ça ne se mange pas. Ça ne se mange pas. Est-ce que ça c'est un truc de la nature? Non. C'est un type de personne oui. Comme des roues. Des oui, jumeaux. Alors, non, mais c'est très bon, très bonne voix puisque c'est on est dans là-dedans. Donc un type de personne. Ouais. Des O positifs. Non. Et c'est un truc genre. Des passionnés de quelque chose. Non. Et est-ce que c'est un truc genre on se dit bon est-ce que vraiment il y avait besoin qu'il y ait une journée? Bien sûr. Ouais. Ouais. Évidemment, c'est tout les l'intérêt. Les gauchers. Et que ce soit le jour de la fin de la Première Guerre mondiale. Oui, il fallait choisir un autre jour. Ouais. Les nazis. Est-ce qu'il y a une forme d'ironie? Ouais, non, mais c'est ça. Il n'y a pas d'ironie. Des enfants de poilus? Non. Des enfants de poilus. Un groupe de punk? Et ce soir, des enfants de poilus! 3, 4! Non, mais par contre, c'est ça qu'il y a un but de l'avoir mis le 11 novembre. Il y a un but, c'est pas une date choisie au hasard. Ça a un rapport avec les tranchées. Oui, non, des gens qui, mais des, pas avec la Première Guerre mondiale. Vraiment le 11 novembre. Pensez au 11 novembre. C'est 11-11, donc c'est la symétrie. Non, pas la symétrie. Les gens qui sont nés que de le 11-11, le 5-5. C'est palindrome. Non. Ce n'est pas la journée internationale du palindrome. Des sosies. Pas des sosies. Du 1, du chiffre 1. Oui, des enfants uniques. Non, pas loin. Des... Ah, franchement, Jules Fenouil n'est pas très loin. Des célibataires. Très bonne réponse, Adrien Méniel Pasté. On a envie de dire. Mais bien 11, sûr. Les célibataires oui. D'origine. Non, mais 11, oui, bon. Non, parce qu'il non, c'est 1-1-1. Oui, c'est mais c'est horrible. Ça fait 4. Ça va, vous êtes bien seul là. 1-1-1, tout seul. C'est votre journée, bande de connards. Tu peux être. Oh, mais Adrien, on peut très bien être heureux tout seul, voyons. Regardez-le comme il est. De là, ce qu'on nous dit. Ouais, alors. Toi, Adrien, toi qui es tout seul. Tout seul tout le temps là. Moi j'aime trop. D'origine chinoise, la journée internationale des célibataires est l'occasion de célébrer non seulement sa fierté d'être célibataire, voilà. Mais aussi en nous jetant dans la gueule la 1, le chiffre 1 là, mais aussi et donc ce qui n'a rien à voir les 1 le plaisir le Attila le plaisir de rencontrer des partenaires. Ah, donc. C'est un gros plan mondial. Ah, c'est aussi la journée des baiseurs. Voilà, un petit peu. Ah, c'est la journée bracelet jaune pour les célibataires, mais bracelet oui. Rouge pour les couples. Le jour des célibataires a été créé dans les 90 par un petit groupe d'étudiants chinois qui voyaient dans cette date qui 11 un signe. En effet, le chiffre 1 représentant l'individualité. C'est donc pour eux l'occasion de manifester leur fierté de célibataire, mais c'est surtout devenu, à l'instar de la Saint-Valentin que l'on fête en Occident, et oui. L'opportunité pour la plupart de déclarer leur flamme à l'être aimé. Oh, ah, mais c'est génial! Ouais, qu'est-ce qu'ils sont forts ces Chinois! Faites des célibataires, mais genre, restez mais... pas trop célibataires à déclarer votre flamme, quoi. Ouais. Allez, mais, c'est bon. Mais t'as débunké tout là. C'est un micmac. Donc tu t'offres un petit cadeau à toi-même, du coup. Oh, tu peux. Je fais que ça. De, grosse journée de la branlette. Je me suis acheté le Steam Deck. Ah, c'est quoi le Steam Deck? Le XL? Est-ce que vous pouvez dire ce que c'est pour les auditeurs? Non, pas le Stream Deck, le Steam Deck. Ah, pardon. Qu'est-ce que c'est, Adrien, le Steam Deck? Oui, il connaît la valise. Non, mais vous voyez Steam. Oui, tout à fait. Voilà. Et ben, ils ont sorti une espèce de comme console une Switch portable. Géante, enfin un peu grande. Oui. Et dedans, t'as tous tes jeux Steam et tu joues là-dessus et tout. Et ben, pas un mal. Régal. Voilà. Pas tu te régales. Tu t'es régalé? Tu te régales. Voilà, un petit cadeau que je me suis fait pour la. Beau pour cadeau. En avance du 11 novembre. Un beau cadeau. Peut-être acheter un robot aussi, l'aspirateur. Non, mais c'est bon, on a... J'ai acheté un mixeur aussi, je me dis, comme j'aime bien faire à bouffer. Ouais. Mais tu l'as rentabilisé? Ouais, je fais des soupes. Un petites robot soupes, aspirateur. Le truc. Ouais, j'en jette beaucoup de la soupe parce que tout seul, tu manges pas tout. Tout bon, non, t'en laisses. Bah après, t'as ce qu'on sert bien au frigo, hein. Ouais, bah mon père, il l'a congelé. Non, tu vois. Ah, il est mort seul. Alors. Bah, j'ai découvert un truc. Attends, un robot aspirateur, les trucs ronds là qui. Ouais. Moi, je mens. J'allais vous donner une petite information parce que vas-y. En plus c'est surprenant. En fait, on peut congeler des baguettes de pain. Voilà, vous le saviez pas forcément. On peut tout congeler. Ma maman m'a appris ça et je trouve ça normal. Je trouve ça incroyable. Des calottes ici pour frisser. Il y a longtemps. Bah alors moi, elle m'a pas dit et j'ai eu des sacrés problèmes. Ok, je précise. Il faut pas dépasser une semaine. C'est ça qu'elle m'a vraiment appris. Pour la décalotée. Ouais. Je vais arrêter de parler de ma maman. Comme le mec qui a 60 ans là. Il a bien dépassé une semaine. Non, mais moi j'avais un a priori. Évidemment. j'étais au courant qu'on pouvait congeler le pain. Mais j'avais un a priori, je pensais que c'est que le pain devenait nul. Et que le goût était pas très bon. Oui, ou que ça tombait en miettes, tu sais, la croûte se décolle. Non, mais moi je trouve qu'il y a un arrière-goût bizarre. Et ben pas si t'attends pas, si t'attends moins d'une semaine. De quoi parle-t-on ? Je crois pas être sûr. On parle de baguette. C'est excellent, je vous le dis, voilà. Et faut pas le mettre dans le four, je sais pas quoi, juste tu le poses. Ce plan de travail, tu le laisses une petite heure. 48 heures. Voilà. Oh, vous me chiez à la gueule alors que c'est excellent. Vous allez rentrer chez vous, vous allez faire, vous allez trouver ça. Mais j'adore l'expression vous me chiez à la gueule. C'est vraiment une de mes préférées, je l'adore. Petit savoir inutile, mais qui me permet ensuite de faire. Fais attention que ce soit pas le même. Mais qui me permet de faire ensuite un lancement sur Truth Boy, donc c'est pas tout à fait gratos. Oh. Quoi en commun, le Monopoly, les escaliers de secours, les essuie-glaces, la scie circulaire et le blanc. C'est inventé par la même personne. Alors pas la même personne. Les deux mêmes personnes. Non. Les trois mêmes personnes. Non. Les quatre mêmes personnes. Bon là c'est vraiment. Non. Si tu dis les cinq mêmes personnes, c'est une bonne réponse parce que c'est cinq personnes différentes. Le Blanco, le Monopoly. Les escaliers de secours et les essuie-glaces. La même année, inventé la même année. Non. Et la scie circulaire. Ça a été breveté. C'est les mêmes lettres dans le. Ben pas du tout. Il y a une substance commune dedans. Non. C'est rapport aux personnes qui les ont inventées. Oui. Ils sont tous de la même famille. Ils sont tous morts. Non. Alors ils sont tous morts. Ah ben voilà, j'ai trouvé. Mais c'est pas. Donc, c'est pas la même personne qui les a inventés. Non. Mais les personnes qui les ont inventés ont un lien. Ont le même elles. Nom. Non, pas le même nom. Il y a un petit lien, pas entre elles, mais il y a un lien. Il y a un lien. On leur a pas reconnu la paternité de leur invention. Alors c'est le cas de la personne qui a inventé le Monopoly. Effectivement. Il s'est fait voler le truc. Non, mais en fait ça a été reconnu en 2015. Ça a mis quand même un peu de temps. Ah oui, il était mort. Bien sûr, dead de chez dead. Mort. Mais ça n'a pas de rapport avec ça. Non. Ils détestent leur invention. Non. Ils ont jamais testé. Ça me rappelle une très bonne BD d'Adrien sur l'inventeur de la poubelle, Poubelle, et du coup il se fait insulter de Eugène Poubelle, la poubelle. C'est vrai que Eugène Poubelle, il a donné son nom à la poubelle, et il s'est pas dit, bah ouais, mais ça, après les gens disent, ah, tu t'appelles Poubelle, connard, oui, mais c'est moi qui l'ai inventé, c'est pas pareil, une poubelle. C'est vrai que c'est con parce qu'il a condamné toute sa génération future, quoi, c'est vraiment. Parce qu'il y a que lui en plus, enfin, Poubelle, c'est pas un nom de famille que tu vois beaucoup, Ouais. Ils doivent bien le détester, l'ancêtre, le vieil ancêtre. Ils le détestent, mais avec les bonnes royalties que leur rapportent les poubelles. Il faut savoir que c'est il touche 10 centimes. Mais c'est la même histoire avec le scientifique qui a inventé la chiasse. Il a découvert il s'appelle Robert Chiasse. Et il touche des doigts à chaque fois. Là, le Covid était content, le gars. Il a pris de la thune. Je m'appelle André Chiasse. Et j'ai donné mon nom à ma découverte. Et une chiasse, mon pote. Oh, écoutez, un peu de respect. Ils l'ont volé. J'ai sauvé des vies. Ils l'ont volé à quelqu'un d'autre. Non. Ils ont jamais testé leur invention. Non, si, ils ont testé. Ils sont morts avant d'avoir plus commercialisé. Non. Un point commun. Un point commun. Ils sont devenus très riches. Des enfants. Non, pas des enfants. Des vieux pépères. Pas des vieux. Ils ont créé avec le même crayon. Des ados. Pas des ados. Peut-être un ado, non ? Pas une question d'âge, si je peux t'aider là-dessus. C'était que des meufs. Non. C'était que des meufs. Bonne réponse de Justine Le Potier. Ce sont des inventrices. Elisabeth Magie a inventé le Monopoly. Il y a un lien avec beaucoup d'autres inventions, j'ai l'impression. Ah bah beaucoup d'autres, j'en ai plus. Pas uniquement ces cinq là. Bah en tout cas reconnu, il y en a pas tant que ça, hein. Mais c'est peut-être par pur sexisme de l'histoire. Mais en l'occurrence, je pense que si tu fais quelques recherches, tu devrais en trouver quelques-unes. J'en ai fait quelques-unes et je te jure, c'est pas des inventrices. Ah oui. Comparé à la chier d'inventeur, il y a pas tant d'inventrices que respectez-moi. Faisons vivre ce personnage. Elisabeth Magie a inventé le Monopoly. Alors il faut savoir qu'à la base, Majax. Dommage qu'elle ait pas inventé la poubelle, ça aurait été vachement mieux. Magie. Elle invente le Monopoly à la base pour critiquer le capitalisme. Elle a inventé Eric Antoine aussi. Le surendettement et le monopole des riches sur l'immobilier. À la base, le Monopoly c'était ironique. C'était pour critiquer. Bien sûr. Alors qu'on a tous voulu. Alors que quand tu viens, tu fais je t'ai bien niqué. Dans tous les jeux sociétés. C'est ma maison. Hypothèque. Elle vend ainsi son brevet à Parker Brothers pour la modique somme de 500 $. Aïe. 30 ans plus tard, Charles Darrow s'inspire de ce concept et vend le jeu à Parker Brothers en évitant bien évidemment de mentionner le nom de sa créatrice. Ce n'est qu'en 2015 qu'Elisabeth Magie sera enfin reconnue comme inventrice du jeu. Le truc des 500 $, clairement elle s'est fait arnaquer du coup. Ça me rappelle une anecdote Golden inverse. Moustache. Non, c'est il y a une Non, c'est justement l'inverse. C'est une meuf qui voit une annonce qui dit on est une start-up et on voudrait proposer des massages aux employés. Enfin, on est une petite start-up et on voudrait qu'il y ait quelqu'un qui vienne masser les employés pour qu'ils soient un peu détendus, machin, etc. Relax. Et donc elle dit bon, pourquoi pas, c'était son métier. Et ils lui disent alors on peut pas vous payer très cher, par contre on peut vous payer tant et on vous donne des parts dans la société, c'était Google, la société. Donc, ah, la oui. est devenue ultra génial. Du coup, voilà. Une belle histoire. J'aime ça. Ça et le pain congelé, moi, c'est une grosse journée pour moi. Hein. Ça me fait bien plaisir. Et André le pain congelé a décongelé dans moins d'une semaine. T'as oublié l'information principale. Sinon, vous allez attraper la maladie d'André. Ça, c'est un vrai podcast. Tout est lié. Vous allez attraper mon invention. Donc, Mary Anderson a inventé l'essuie-glace. L'essuie-glace, mais tu l'avais pas dit. Si, je l'ai dit. Non. Je l'ai pas dit. C'est circulaire, t'as dit. Je crois que je l'ai dit. Ah ouais, ah, on va écouter. On va réviser sinon. Là, on va entendre un. Salut, c'est Florent pendant le montage. Et je l'avais dit. Anne Connelly a inventé l'escalier de secours. Bien Tabitha sûr. Babbitt. Comment t'inventes l'escalier de secours? Ah oui, bah, c'est de New York. Bah, le jour où ça prend feu et qu'il n'y en avait pas. Peut-être il en faudrait un deuxième. Alors, effectivement, la scie circulaire est inventée par Tabitha Babbitt. Non, c'est une actrice porno. Je vous jure que c'est vrai. Tabitha Babbitt. Tabitha Babbitt. Tabitha Babbitt. Tabitha Babbitt. J'ai oublié. Tabitha Babbitt. Pas dégueulasse quoi. Et Betty Nesmith Graham a inventé le Blanco. Bien joué, Betty. L'inspecteur, mais le Tipex qui a été ensuite racheté par Bic. Voilà, tout simplement. Ah, ah ouais. Le Blanco, donc célèbre inspecteur, et guest dans Trousse Boy. Ah ouais. Effectivement. Tout simplement, parce que vous venez aussi pour ça, vous sortez le tome 2 de Trousse Boy. Après le tome 1. Oh, ils ont l'air surpris. Ah bon. C'était dispo quand d'ailleurs? Effectivement, nous avons sorti une bande dessinée qui s'appelle Trousse Boy qui est sortie le 27 avril. Et en tout cas, on est déjà venu nous en parler. Effectivement. Et le tome 2 sort le 7 décembre. D'accord. Oh, pour Noël! À mettre sous le sapin! C'est en précommande! Qu'est-ce que je te dis? C'est disponible en précommande? C'est en précommande, et parce que c'est vrai que le tome 1 se finissait sur un petit cliffhanger. Tout à fait. Et donc là, c'est la fin. Vous rouvrez pas sur autre chose. Alors, oui et non, ouais. Non, mais disons qu'on referme un arc, tu sais, on aime bien dire ça dans la BD. Mais on ferme l'arc de la trousse vraiment, voilà, quand même bien. Mais on ouvre, voilà, des possibilités. Pour fermer la trousse! On ouvre des possibilités, on ferme pas tout, mais oui, globalement tout se termine. On l'a écrit vraiment en deux tomes, hein, donc c'est, effectivement c'est un diptyque, quoi. Hein, donc c'est pour ça que je pense que ça peut être très intéressant pour. C'est une diptyque, quoi. C'est une diptyque. Donc précommandé. Bah oui, non, mais je pense que ça vaut le coup de le lire pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de lire le 1, de lire les deux d'un coup, parce que pour le coup c'est vraiment une histoire. Du coup, ça fait 140 pages. En oui, tout, et c'est vrai que moi à la fin de l'un, j'étais la bave aux lèvres, j'avais envie de voir la suite. Il y a un petit cliffhanger, effectivement. Mais en plus à la fois ils se complètent et à la fois ils sont assez différent en vrai ces deux tomes, donc c'est ça que je pense qu'il peut être intéressant. Le premier était un peu shonen manga, oui. Et le deuxième est un petit peu plus dark, explore un petit peu d'autres choses, explore plus le bad guy, un petit peu le grand bad guy qui est l'effaceur, cool, qui efface les élèves, bien sûr. Et là je vois dans les yeux d'Adrien qui n'a pas lu la BD qu'on lui a offert parce qu'il a découvert le non non j'ai cru que t'avais dit les chasseurs. Et je disais quoi? Et vu qu'il est très déconstruit, il se dit putain les chasseurs c'est les méchants. évidemment je vais lire, je déteste que, ça. Jules Fenouil il est de ma team. Ah bah évidemment on est tous de la team anti-chasse. Oui, de la table, hein. Non, non, mais de ma team vegan. Ah, c'est oui, bien oui, beau d'être anti-chasse. On a bien les animaux si c'est pour les égorger, les bouffer. C'est bon. Je vous fais un petit teaser. Si je pense que ça sortira avant, on a bien vanné les chasseurs avec Cyprien là dans une nouvelle vidéo qui sort. Cyprien le youtubeur. Je connais le nom. Il va y avoir un nouveau clash après Cortex, un chasseur qui va rappeler. Non, on a fait une petite vanne. Très bien. On reste dans la trousse. Je l'ai, dire. Je l'ai, les chasseurs. Là, on n'en peut plus. Voilà. Bah, bien sûr. Tu des gens maintenant, juste. À votre avis, à quoi sert la partie bleue de la gomme? Effacer le stylo. Pas vraiment. À arracher la page. C'est ça. Oui. C'est ça. En tout cas, c'est ce que ça fait. Parce qu'à la base, ce n'était pas prévu pour si, effacer l'encre sur du papier. Plus dur pour pouvoir la tenir, tout ah, simplement. Ah, mais je l'avais lu. Non. Ça, elle efface mieux non. le crayon papier. Elle non. efface sur du carton. Exactement. Oh. C'est-à-dire qu'en fait, on a un illustrateur sur ton Non, j'ai deviné. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est. On dessine rarement sur du carton. Ce côté bleu. Alors, c'est justement. Sauveur manif. Ouais, là, les petits slogans là. Justement, ce côté. Oui, bah quoi. Il y a eu un clin d'œil après petit slogan. Ouais. Parce que je parlais, je pensais au slogan du cul là. Ah bah bien sûr. Foutu pour foutu, branlez-moi. Rappelons-le. Donc, oui, la partie rose est beaucoup plus tendre que la partie bleue. Ce côté bleu qui gomme l'encre serait en fait maintenant une stratégie marketing axée sur la nostalgie des gommes anciennes, rose et bleue, qui se vendrait mieux que toute blanche. Pour la manif pour tous, notamment, j'imagine. Entre autres, ouais, c'est ça. En revanche, la partie bleue peut effectivement gommer l'encre, mais pas sur le papier qu'elle déchire. Cette partie bleue, plus rugueuse, contient des morceaux de pierre ponce, semblable un peu au l'angle. Pierre ponce, la fleur. Pierre ponce, la fleur. Ah, donc, du coup, ils étaient clairement au courant que ça allait tout arracher, quoi. Exactement. Mais exactement. Oui, mais a priori, à la base, ils ont dit c'est pas pour le papier. Exactement. À la base, c'est pour effacer. C'est pour le trou de balle, non. C'est. pensais pas avoir 4 rires là-dessus, mais. Alors, ça a été des rires de surprise. Oui. Ouais. Pour moi, je suis dans le train de la mine et c'est la petite descente au moment du. Non, mais je suis tombé avec vous. Et puis moi, j'ai été retourné, tu sais, j'ai pas vu la descente. Oui, t'as fini à Jones à l'envers. Ouais, bien sûr. En fait, c'est pour effacer sur des supports plus rigides comme le carton, le bois ou le tissu. À l'époque. Bah, tout le monde écrit. Surtout que tout le monde écrit sur des cartons tous les jours. Non, mais à l'époque, ça efface du coup sur du papier canson qui est un petit peu du papier cartonné. Finalement. C'est vrai, peut-être un peu plus, j'ai pas vérifié. C'est une légende. Je regarde pas, j'en sais rien. T'as fait les gobelins, non ? Bah, t'as décidé, ouais, toi. Mais c'était assistant réalisateur multimédia, donc on était que sur les ordos. On va faire un petit jeu entre nous. Oh, génial. Ouais, parce que. Alors, oui. Allez, on joue à Donkey Kong. Allez, non. Le Donkey Kong, les. Allez, si, il en parce a fait que... plein d'autres, Adrien. Parce qu'autour de la table, on a Valentin Vincent. Oui. Comment ne pas faire un imite ta réponse bien sûr. Sans avoir Valentin Vincent autour de la table. Qu'est-ce que le imite ta réponse? Je vais vous donner des définitions, enfin des affirmations extrêmement simples pour reconnaître des célébrités. Vous devez me donner le nom de la célébrité en imitant la dite célébrité. C'est un animateur spécialiste de la famille royale. Hey, c'est Stéphane Bern. Oh oui, très très bien, très très bien. Stéphane Bern qui a récemment Et fait un téléfilm déjà. De keuf. Et il y en a d'autres en préparation. Téléfilm de keuf. Ouais, j'ai vu que ça avait fait le buzz sur les réseaux sociaux. Non, il rendait hommage à la reine d'Angleterre. Bien sûr. Qui est décédée, on le rappelle. Bah, on est le numéro 1 dans l'infotainment, ou je rêve. Les gens en ont un peu parlé. Et non, il rappelait l'histoire de Camilla, pas Camilla Jordana, mais Camilla Parker Bowles. Et du prince, enfin du roi. Prince Charles. Oui, c'est bien lui, Ali Ababa. Et il rappelait cette phrase parce qu'en fait, je sais pas si vous vous souvenez, il y a des SMS ou des lettres, je sais plus, qui avaient leaké entre Camilla et le roi Charles. Des sextos. Bah oui, exactement. Et il y avait ce message qu'avait leaké de Charles qui dit à Camilla : je pourrais, Dieu me pardonne, me muer en tampax. Quoi ? Il rêvait de se fourrer dans son petit vagin pendant qu'elle a ses règles. Ouais. Ah, je vous jure que c'est Stéphane Bern. Oh, on se souvient de cette échange de semaine. Je brûlerai avec mes oreilles. Oh, c'est pas dégueulasse ce que je vois là. Mais attends, okay. Mais tu as une anecdote en mais plus sur chaque personnalité. Non, pas du tout. D'accord. Celui-là me rappelle. Mais on pourra inventer des anecdotes. Wow, c'est quoi, problème. Et je l'ai rencontré, il est hyper sympa. Stéphane Charles. Ah ouais. Oh, mais il y a une photo magnifique de lui là où il est nu. Pardon, mais elle est spoilée. Ah oui, sur un fauteuil là. Pas dégueulasse. Les gens croisés là. De mémoire, il y a un bouquet de fleurs ou un truc comme ça. Il avait fait... je l'ai inventé et je l'ai sublimé dans mon esprit. Tu l'as rêvé. Mais il avait fait une série de photos, effectivement, un peu. Un peu coquine. Un peu in. Il a aussi joué dans des sketchs de Didier Gustin. Est-ce que tu te. Bien sûr. Parodie de Star Wars. Bien sûr, je me souviens très bien. Alors, qui est Didier Gustin ? C'est génial. Bien sûr, non, mais je m'en souviens. Un imitateur, justement, et tout se recoupe. Attention, il chante quoi, ma gueule ? Ouais, c'est Johnny ! Je l'avais pas. Ouais, oh, enfin, Valentin, on a fait ça pour toi. Voilà. C'est Johnny Hallyday. La daronne. Enfin, Valentin ! Ouais. C'était pour que tu gagnes. Ben, on te l'avait acheté pour te faire plaisir, tu nous en as parlé tout le mois de décembre. Que tu le voulais. Voilà, on comprend pas, on a fait. Non, mais je sais pas, j'ai eu un trou. Qu'est-ce qui se passe ? Mais on a fait 3 jouets club avec ta mère pour te le prouver. Enfin, on l'a fait pour du gagner internet. Non, bah l'ouvre pas, on va le rendre. Je sors pas de la boîte. On avait acheté les piles et tout au cas où. Merde, bon, bref. C'était Johnny Hallyday. Oui ! Voilà, tu me régales là. Il joue dans Radio Star. C'est Manu Payet. Attends, pardon. Quoi? Valentin. C'est Manu Payet. Oh non, bah non. Bah non, bah j'en sais rien moi. Ah oui, ah oui. Là, tu imites quelqu'un, mais je sais pas. Refais-le pour voir. C'est Manu Payet. Mais c'est un peu Bruce Willis. Ça pourrait être Pierre Linès, ça pourrait être tout le monde. Pour tout le cast. Attends, c'est Manu Payet. Non, pas du tout. Attends. Il dit pas ça un peu souvent. Les manos. Il y a un dos. Il y a une petite tasse au niveau de la race. Tu vois le délire. Il y avait pas aussi Clovis Cornillac. Oh. Attends, il parle si mal. Il parle comme ça quand même. Un petit peu à l'époque, il y a qu'un petit peu comme ça. Ouais, mais ils osent pas. Il y a longtemps. L'introduction est bonne. Quand ils étaient dans Brise de Nice. Oh là là, pour jouer les chaînes là. Ouais, voilà. Tu fais mieux que moi. T'as fait une V2. T'as fait une bonne V2. J'ai là, je vois où tu voulais en venir. C'est un stand-up. De Radio Star, il y avait aussi De Melon. Tu sais le faire, De Melon. Pascal De Melon. Ouais, un petit peu de cul. Je sais pas si. C'est chaud, elle fait. C'est vrai qu'on le faisait des fois. J'ai jeté Julien dans la piscine avec moi. Clairement, à l'audio, t'as jeté Julien sous une bagnole. Là, clairement, il a bien demandé. J'en suis conscient. Non, mais surtout, est-ce que les gens voient qui est Pascal Debonon? Il est brillant, mais super acteur. Il est dans Five également. Les gens oublient. C'est vraiment un très bon acteur. C'est Pascal Debonon. Non, pas du tout. Non, mais si, c'est vrai qu'il parle un petit peu comme ça. Ah oui, oui. Ah, c'est poussé sous une bagnole, mais il l'avait été. Puis ouais, il est entre les roues là, comme ça, il s'est fait tout fin. Je suis accroché. Attention, c'est un stand-upper qui joue souvent dans Click. C'est Attends, mais je l'ai fait le jour en story par hasard, c'est pour ça que tu l'as mis. C'est Roman Frissinet. Attends, mais. C'est Roman Frissinet, les l'autre man jour, l'autre jour, je l'ai fait, je sais plus comment j'ai réussi. Trop bien. Mais c'est comme ça que je l'ai sorti, je crois. Oh là, elle est très bien. Trop bien. Je suis content d'être dans le flot de casse là. C'est bien. Il est bien, il est bien. Il est trop bien. Mais je l'ai fait par hasard, le jour, je dis merde, j'ai fait Roman Frissinet. Bah oui. J'ai une magnifique anecdote parce qu'on joue dans le même théâtre. C'est-à-dire qu'il fait la première partie de Redouane Bougaraba. Ah oui. Et du coup, moi, je suis après pour le Chalet Hashtag. Et j'entends au théâtre des nouveautés. C'est complet de toute façon. Du mercredi. Ouais. Voilà. Et on avait tourné ensemble, etc. On avait fait une vidéo. Qui était là? Non, personne n'était là, avec McFly et Carlito. Et j'entends personne était là. Humiliant pour nous quatre. Bah, désolé. Non, je m'en souviens parce qu'on devait raconter nos histoires de cul. Donc, ah oui. Ça marque un peu, oui, tu vois. Avec date. Et il y a Roman qui était là et tout. Et bon, bref. Jeux de mots, le titre. Ouais, pardon. Bref, enfin, je n'ai pas oublié. Et je vois, regarde, Roman Frissinet. Je fais, oh, trop bien, je vais aller voir le gars, j'adore ce qu'il fait. Donc je me planque derrière les coulisses, il fait son truc, c'est trop bien, etc. Il sort et je fais, hé, Roman, ça va? Il me regarde, il fait, ouais. Tu vois pas qui je suis? Il fait, non. Désolé, Mouloud, je t'ai pas reconnu. Il est parti juste après. Alors j'étais persuadée qu'on se souvenait. Qu'on avait passé un bon délire. Bah oui, j'étais c'était gênant. Et c'est encore plus gênant quand je le raconte, disons. Non, ça arrive. Genre, c'est comme l'épée au chiottes là. Moi, j'étais sur un tournage hier et il y a un mec de l'équipe qui vient me voir et qui fait, ah salut. Et donc je lui dis, ah salut. Et je vois sa tête, je sais plus sur quel tournage j'ai eu, mais je le reconnais quoi. Et donc je fais, ah salut, ça va et tout. Et il a dit, tu m'as pas reconnu. Et moi j'ai cru qu'il disait, je t'ai pas reconnu, parce que merde. J'étais un peu grimé. Et du coup je fais, ouais. Et il s'est barré. Putain. Il s'est barré. Et alors que je l'avais reconnu quoi, mais après j'allais pas lui dire. Alors, en fait j'avais compris que toi tu m'avais pas reconnu, mais en fait moi j'étais reconnu. Hein. Il m'a après, m'aurait dit je m'appelle comment, j'aurais fait allez ciao. Il m'est arrivé un truc gênant comme ça aussi où je croise un gars qui fait Florent ça va et tout, et je fais ouais et toi, et il me dit quelque chose tu vois, donc je fais semblant que je vois très bien qui c'est, mais pas très bien qui c'est, mais je l'ai vu, enfin je sais que j'ai déjà croisé. Bien sûr. Et c'était François Hollande en fait, tout le monde voit qui c'est. Mais... Et je lui ai dit, mais alors du coup, tu fais. Ah, attends, il a dit François Hollande, il y a Valentin qui trépigne. Là, comme un petit lardon qui frissonne sur un filet d'huile là. Regardez, il a envie de le faire. Bon, en plus, j'ai mis depuis Golden Moustache, c'est terminé ça, j'ai raccroché. J'ai fait une carrière sur Twitch, je suis entièrement basé là-dessus. C'est vrai que ça fait longtemps que. Bon, voilà. Ah, si, bah, c'est si, ça marche toujours. Bref. Que j'ai croisé. Mais oui. Et que j'ai pas vu. C'est-à-dire. Quoi? Ah, attends, j'ai croisé François Hollande. T'as fermé les yeux? Mais je l'ai pas vu. Mais pourquoi? Parce que. On dirait une énigme. Il était debout sur un glaçon et il a fondu, c'est ça? En fait. Il y avait une voiture à un feu qui m'a laissé passer et j'ai pas vu qui était dedans. Et après, il y a un le vélo. Le docteur, c'était sa mère en fait. Il y a un vélo et c'est Julie Gayet qui s'est. Un vélo qui s'est arrêté à côté de la voiture. Scooter, tu veux dire? Allez, en fauteuil! T'es Guillaume Meurice! Qui a frappé. Qui a frappé à la fenêtre de cette voiture qui était du coup à l'arrêt. Ouais. Les fenêtres se sont ouvertes et moi j'étais passé donc j'ai pas vu, mais c'est ma copine un peu derrière qui a vu qu'en fait c'était François Hollande dans la voiture qui récupérait le sac à main de Julie Gayet. Il lui a volé. Ensemble. Et donc je l'ai croisé. je l'ai croisé, mais à quelques mètres près, j'ai pas réussi à le voir. Voilà. Bon. On a complètement. Mais lui m'a vu. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Et il en a parlé dans une autre émission. Ouais. Écoutez, j'ai vu Valentin Vincent. Il n'oubliera jamais. Il m'a regardé. J'étais un feu. J'attendais Julie Gayet. Bon, moi, en gros, l'anecdote, bon, qui était il y a 25 minutes, mais c'est pas grave. Allez. Non, mais en gros, j'ai fait semblant. J'ai croisé un gars. J'ai fait semblant de me souvenir très bien qui c'était, alors que c'était vaguement. Je dis, ah bah, tu fais quoi maintenant et tout. Et il a dit, bah, ça t'intéresse. Je dis, bah ouais. Et en fait, il me raconte sa vie. En fait, je comprends que je le connais pas. C'est juste un gars qui est venu à une dédicace. Okay. Et qui en fait commence à me raconter un peu sa life. Et où je me dis, oui. Et t'as dit, attends, je retire ce que j'ai dit, ça ne m'intéresse pas. Pardon, tu n'es pas dans le game. Alors ça ne m'intéresse pas du tout. Attends, tu es en train de me dire que tu n'es pas connu. Je dégage. Avant que j'appelle les flics. Attention, il chante le petit bonhomme en mousse. Oh, c'est Patrick Sébastien. En double, ça fait du stéréo, ouais. C'était formidable. C'était très agréable à l'oreille. Tu l'as pas, Justine, toi? De quoi? Patrick Sébastien? Bien sûr que si. Ah bah fais-le nous. On est là. Bah pardon, non. Vas-y. Non, du coup je suis gênée. Ah non, non, il faut que. Je pourrais pas. Ça y est, là. C'est comme une envie. C'est que de l'amour, Justine. Mais ouais, putain, on est entre couilles, allez, vas-y. Même si on a pas, t'as des nichons, c'est ok. Allez. c'est un perso, je joue Patrick Sébastien. Sauf si vous avez trouvé ça génial. Si c'est génial, c'est moi. Je peux pas, je peux pas. Putain, j'ai fait du man-interrupting, putain. Non, pas du tout. Je commence à voir un début de fondation chez toi, ça. Non, ça me met mal là, j'ai l'impression qu'il y a une arrivée d'eau là. Cruel, vraiment pour détruire un truc bien joué. Le mec le qui est très bricoleur. Ouais. Sinon, si vous voulez, on peut faire une variante. Si vous voulez essayer, nous on faisait ça avec Valentin parce qu'on aime bien faire ce genre de jeu aussi. On fait juste une voix et on essaie de se dire, ah en fait on dirait un peu machin. Et c'est plus essayer de trouver. Qu'est-ce que c'est que ça? Après on le faisait à l'autre bout du monde à 5h du matin. Oui, on peut tout à fait le faire hors micro. Sans souci. On va tenter hors micro. Plutôt faire ça, ouais. Je crois qu'à chaque fois, finalement, on faisait une voix comme ça, on fait toujours la même voix et on cherchait. Attends, ça me fait penser. Non. C'était marrant, mais sinon, on tu vois, c'est drôle. On termine l'émission. On fait votre jeu de ma boule. S'il en sort quelque chose, bah en post-générique. On fait un casse plus, et puis voilà. On fait payer les gens 15 balles. Voilà. Non, mais en post-générique, on met un petit. Je tiens à dire, ça va n'intéresser que nous. Ouais. Adrien, tu te souviens de ce jeu aux arcs où tu as refusé qu'on joue parce que c'était de la merde? C'était un jeu de société. Mets un marqueur, tu pourras couper ce moment. Un jeu de société où je tenais absolument qu'on y joue quand on était allé aux arcs avec Golden. Et j'ai très mal expliqué, et Adrien a trouvé que c'était nul. Ça avait l'air nul. Et bah figure-toi que j'ai eu ma vengeance 6 ans après, puisque cet été on y a joué avec Julien et Stéphane, et ils ont bien rigolé. Bah écoute, j'ai avoué. Je dois le dire dans ce micro parce que ça m'a. Voilà. Une autre vengeance, c'est que je me suis séparé, que maintenant je suis infiniment seul. Une autre vengeance pour toi. Je l'ai bien payé et. Bah écoute, on peut jouer à ce jeu si tu veux. Je pense que les événements sont liés en plus. C'est ça le titre. Si vous voulez faire des soirées de jeux de société, je suis à fond. N'importe quelle soirée. Même invitez-moi. Bah ne refuse pas le jeu en or que je suis en train de t'offrir, rien. Est-ce que je suis le seul qui a dit on va y jouer? Il a dit on y joue après, bien sûr. Voilà, tu vois. Non, mais c'est vrai. Même quand je suis positif, on me dit rien, t'as dit ça. C'est l'inverse ce que j'ai dit. Oui, mais je crois que c'est le ton là, tu vois, sur ce coup là. Ouais, je suis un peu. Le ton joue contre toi. Mais non, mais je suis Bakri. Quel connard! Oh, merde! Mais ça m'énerve ça, là, les gens qui parlent de Bakri comme ça. Là. Ceci dit, on avait un autre jeu avec Adrien qui était très nul aussi. Jean-Pierre Bakri. Non, en fait, qui était excusez-moi, vous êtes. C'était faire un jeu de mots dans une imitation. Les imites à l'ambour. Parce qu'on s'était retrouvé à refaire le même sur Askip avec Jean-Pierre Bakri. C'est ça? Il y avait Jean-Pierre Bakri. Mauvalise, effectivement. Mauvalise et imitation. C'était genre, je fais du tambour. J'ai refait ma chanson. Ah, ouais, je fais du flop sur le tambour là. Ouais, c'était Jean-Pierre Bakri. C'est passionnant ce que tu nous racontes là. Bon, écoutez, ça fait déjà quand même une bonne heure et demie qu'on parle. Non, mais on va faire les recommandations culturelles. Il y a toujours ça. C'est vrai qu'on était chaud sur les imitations. Je peux en faire encore d'autres un petit peu. Allez, quelques-unes. Encore deux. Après, faut que j'aille chercher quand même Mistinguette à la crèche. Mais Mistinguette. Oh le regard. C'est le nouveau film de Nicolas Bedos. Ouais, Mistinguette. Ouais. C'est une meuf, Mistinguette. Elle parlait comme ça. Non, c'est pas ça. C'est ouais, bah pardon. C'est Arletty. Ah non, c'est Arletty. Ouais, merde. C'est Edith Piaf. Piaf, rien à voir. Non. si. C'est vraiment ni plus ni moins que sa voix, Edith Piaf. Ah, là, oui, c'est une légende. Mais elle est là parmi nous. Voilà, c'est ça sa voix. Voilà. C'est pour nous ce que t'enregistres là, Flaubert, non? C'est vraiment un souvenir, ouais. Oui, c'est quand tu nous crées là. C'est pas du tout pour les gens. C'est très près de mon imitation du lynx. Mais c'est. T'as une imitation du lynx? Ah bah attendez. Je peux pas la refaire. Ah bah si. Bah c'est que tu m'as fait Edith Piaf et je vais me projeter. Il faut savoir que le lynx, on sait pas quel cri ça fait, mais ça fait ce cri. Ça fait. Voilà, Alors, vous chercherez des vidéos de lynx qui se battent et ça fait exactement. Ah, qui se battent. Très proche du koala aussi, hein, qui fait des bruits incroyables. Hein. Peut-être. Oui, très proche de toi qui fait le con, en fait, surtout. De toi qui jouis. Mais parce que je fais le lynx. J'en profite pour vous conseiller le koala dans l'arbre de Noël, vraiment petit classique. De quoi? N'hésitez pas. Koala d'arbre de Noël. Des gens, j'imagine en Australie du coup, qui ont retrouvé un koala accroché à leur sapin de Noël. Oh. Et vraiment, il ne veut pas partir. C'est chez lui. C'est une déco. La vidéo. C'est incroyable. Est-ce que quand il essaye de ramener c'est vraiment hilarant. C'est Jean-Pierre Mocky. Cassez-vous. Non mais ils ont une amplitude en fait de son, les koalas, qui me fascine parce que vraiment ils sont. Ils te font des trucs de gremlins comme ça et en même temps ils font des. On va passer aux recommandations culturelles. Alors... et bien sûr, alors pas forcément des trucs récents, mais des trucs que vous avez consommés récemment. Adrien Méniel. Mais oui, bien sûr. Régale-nous. En ce moment, je joue à un petit jeu sur PC qui s'appelle Wilder Myth. Wildermyth. Ok. Et en fait, c'est un. Wildermyth. Ouais, mais. C'est, what non, the myth? Qu'est-ce que ça raconte Wildermyth. Non, mais c'est vrai, on dit pas le I comme ah ça. Bon non. Oui. Wow. Comme Wildermyth pour un. Ah oui, quand, tu, quand c'est. Ah oui, d'accord, ouais. Ok. Mais donc, c'est une MILF sauvage. C'est de ça dont tu ne parles. Non, et. Non, c'est un RPG en gros, mais qui est très axé sur la narration. Et c'est-à-dire qu'il y a un groupe de personnages sur la narration et sur les persos et sur les relations entre les persos et les choix qu'on fait qui ont des conséquences sur les personnages et donc qui ont des conséquences sur l'histoire, etc. Et en gros, le truc, c'est que tu fais des quêtes où donc l'histoire est racontée sous forme de petites BD où tu vois du coup tes persos que tu as créés qui sont dans les cases de BD et tout, ça te raconte l'histoire, et puis après tu peux retrouver des persos d'autres campagnes que tu as faites, que tu peux re-embaucher, du coup ça, enfin c'est vraiment très c'est très basé sur l'histoire. C'est très proche de moi, je trouve, en termes d'expérience, c'est le truc le plus proche que j'ai connu dans un jeu vidéo d'un jeu de rôle papier quoi, classique, où vraiment c'est comme si t'avais un maître de jeu qui te raconte l'histoire et tout. Enfin, c'est vachement bien fait. Il y a beaucoup d'aléatoires dans les événements, c'est-à-dire que tu peux faire deux fois la même campagne et les événements sont pas les mêmes. Et le choix que tu fais, bah, un coup ça va aboutir sur un truc positif, parfois un truc négatif. Donc voilà, il y a plein de trucs comme ça. Mais attends, mais t'as dit que tu peux genre par exemple créer un personnage, lui donner un nom et tout, faire une campagne, et après il va se retrouver dans l'autre campagne. C'est François Hollande. C'est ça, parce qu'en fait, le principe, c'est que ça, tu as un groupe de personnages. Au début, t'en as trois, je crois, non quatre, je sais plus. Et donc tu crées, et les personnages, ils ont des caractéristiques qui ont leur importance, etc. Les personnages peuvent être amis, peuvent être ennemis, peuvent être amoureux. Et d'ailleurs aussi, je précise, peuvent être hommes, femmes, non-binaires, peuvent être attirés par les hommes, les femmes, les deux. Enfin, c'est vachement... Il y a beaucoup de diversité dans le jeu. Et en fait, tu peux recruter des gens au cours de ta campagne. C'est des campagnes qui durent un peu longtemps. Et si, par exemple, tu as mené une campagne à terme, dans une autre campagne, parfois, tu peux recruter soit un nouveau personnage complètement, soit un personnage de ta campagne précédente, avec un peu moins d'aptitude, parce que sinon, c'est trop facile. Mais en gros, c'est le même personnage. Ah, et, génial, hein. c'est... Et là, je joue à ça en ce moment, et je passe énormément de bon temps. Et je trouve qu'en plus, c'est... C'est en français ou c'est... Les dialogues sont en anglais. Tu peux avoir les menus en français, je crois. L'interface, tu peux l'avoir en français, mais je crois que les dialogues restent en anglais. Et c'est pas en plus non plus un truc trop où tu te perds, tu vois. C'est quand même un petit système qui est bien foutu, bien équilibré, mais avec beaucoup d'embranchements possibles et tout. Enfin, c'est vachement bien. Vachement bien. Voilà, ça coûte 20 balles, genre. Donc voilà, je recommande ce jeu, je joue à ça en ce moment. Très bien. Valentin Vincent. Oui. Alors, je vais recommander le GTA RPZ. Ok. Parce que, en fait, je suis passé complètement à côté quand c'est arrivé. Ouais. Et pendant la prépa de. Là, cet été, du coup, je tournais un truc. Et oh la prépa, là là, il recoupe avec sa promo. Il est très, très fort. Non, c'était plus pour dire que ça m'a vraiment aidé à penser à autre chose, à faire complètement autre chose. Et en fait, j'avais regardé la vidéo de Bolshey Geek sur le. Oui, sur, très bonne vidéo que d'ailleurs. Je recommande aussi d'ailleurs. Ouais. Sur le GTA RPZ, du coup. Et du coup, je me suis dit, tiens, je vais juste regarder le début d'un point de vue pour voir à quoi ça ressemble. Et c'est tout parce que j'ai pas le temps de regarder ça. Et donc, j'ai commencé le point de vue du personnage Johnny Money de Mr. MV. Bien sûr. Et j'ai regardé absolument toutes les vidéos entières bah ouais. de Johnny Money. Et donc, c'était un des persos, enfin, moi je trouve des plus marrants du jeu. J'ai RP. Pas vu je sais que c'était. Il y a beaucoup qui ont suivi bah, justement les croûtes et tout ça. Mais ouais. Moi, j'ai beaucoup aimé ce personnage parce qu'en plus, il croise un peu tout le monde. Ouais. Parce qu'il est un peu pote avec tout le monde. Et donc, ça m'a permis d'avoir un point de vue un peu global sur l'histoire. Et vraiment, j'ai kiffé regarder ça et j'ai trouvé ça fascinant de, effectivement, ce côté série, mais en direct, enfin, tout ce qui a déjà été dit mille fois. Mais c'est juste que j'ai découvert ça sur le tard et je voulais en parler parce que, bah, on peut très bien. Moi, j'étais passé à côté et je m'étais dit, bon, c'est trop tard, fallait le voir en direct. Et en fait, de le voir en replay, j'ai tout aussi apprécié. Et c'était mon petit truc le matin à regarder. Voilà. Mais tu vois, là, en plus, je te suis à 2000% parce que je me suis fait la réflexion récemment. Et là, je vais dire une phrase de bon vieillard. Pour moi, ça, c'est le futur. Ce que je veux dire par là, c'est que. Non, mais tu vois, tout le monde a pété un câble sur le moto, le GP, le Grand Prix de course oui, de voiture et tout. Oui, mais quand même. Et je comprends pourquoi les gens pètent un câble, mais c'est vrai que moi, j'ai. Enfin, je comprenais un peu ce que disait quand même le joueur du grenier de dire bah, c'est une course de voiture. Mais ce qui est fou, c'est que c'est sur Twitch. Mais en vérité, on en a déjà vu beaucoup les dimanches matins sur TF1. Il y a le storytelling derrière. J'entends le storytelling, mais moi, ça me parle pas de ouf. Je m'en ouf un peu, tu vois. Alors qu'effectivement, le GTA RP, j'avais vraiment un truc de. Mais même en narration, j'ai jamais vu d'autant de points de vue. C'est comme voir une série et chaque saison est d'un point de vue d'un personnage. Et chaque personnage en même temps, peut être le personnage principal. Je trouvais que là, pour le coup, il y avait un vrai truc. Que j'arrivais même pas, que j'aurais même pas matérialisé dans mon esprit marrant, ado. C'est quoi. Tout ce que tu dis là s'applique au GP Explorer. Pour défendre le GP Explorer, c'est-à-dire bah, c'est qu'en fait, ils ont quasiment tous fait leurs vidéos sur leur chaîne YouTube respective. D'apprendre la course. C'est trop intéressant voiture, de voir leur point de vue à eux. En fait, tu vois la course, potentiellement, t'es pour un des mecs. Ouais. Et après, tu vas sur la chaîne YouTube, t'as quasiment un documentaire par personne qui a participé. Mais ceci dit, et ça m'intéresserait coup, plus. Ah ouais, d'accord, mais lui, d'accord, en fait, ouais. Il était vraiment fan. Donc en fait, je vais revoir. Ah ouais, il a réussi à aller telle place. Ça, ça m'intéresserait alors. Parce que tu vois, le résultat final, moi. J'avais un peu un truc, j'avais rien suivi, j'ai juste regardé la course et je n'amoindris pas le côté, c'est un peu excitant effectivement d'avoir réussi ça et puis ouais. Même si moi les records je m'en bats les couilles, enfin, genre oh là là c'est le truc le plus vu de Twitch, franchement je m'en branle, mais je comprends le côté un peu excitant de les gars on a dépassé un record, c'est quand même un peu fou, il y a autant de gens qui regardent le même truc. Mais c'est vrai que la course en elle-même, j'étais genre, oui, bon, bah, les gagnants, c'est ceux qui font de la voiture depuis ouais. longtemps, et ouais. les autres non, tu vois. Donc, ce que tu me racontes sur suivre sur chaque chaîne YouTube, ça, c'est plus, effectivement, ouais, c'est cool, ouais. m'intéresserait ouais, peut-être ouais, plus. Parce qu'ils ont tous leur histoire, par exemple, il y a Sofiane, tu vois, qui raconte son histoire personnelle. Bah, il a remplacé Maxence, surtout, non? Il a remplacé au dernier moment, et lui, il a une histoire assez intéressante, parce qu'en plus, il a eu un traumatisme. Non, il a eu un accident qui l'a un peu traumatisé, en gros. Donc, c'était assez difficile pour lui, c'était une manière un peu cathartique, tu vois, d'affronter ce truc-là. Et oui, il y a Domingo qui venait tout juste d'avoir le permis, Seb je crois même qu'il a passé pour l'occasion, enfin donc ouais. il y a chacun un peu son histoire, donc c'est assez intéressant. Oh, j'aurais bah, trop aimé le faire ouais. putain c'est vrai c'est fou, ouais, ouais, j'aurais trop aimé le faire quoi, ce enfin... truc. Moi j'aurais aimé faire le GTA. Ça avait l'air trop. Ouais, voilà. Moi le GTA RPZ, ouais, j'aurais. C'est comme ça que j'aime jouer aux jeux vidéo. C'est en fait, ça, je me serais marré à le faire, ça de ouf. Non, non, moi je veux conduire des grosses voitures. Moi. Mais le course de voiture, ça avait l'air du travail. Mais j'adore. Les clichés de genre comme quoi ils volent en éclats là. Oh bah ici, il n'y a pas une maison ici qui est construite. Hyper dangereux, on oublie, mais c'est hyper dangereux. Non, mais moi c'est ça, et ça avait. Moi j'en ai parlé à Maxence. C'est aussi beaucoup de travail quoi. Enfin, c'est-à-dire que le niveau d'entraînement. Mais j'ai le temps, Flo. De suivre des elle est blindée, elle est rentière cette meuf. Bien sûr, j'ai tu le temps, j'ai l'argent. Circuit, faire des tours, j'ai mon écurie, allez. Mais non, mais d'accord. Mais tu vois, tu me l'as revendu. Ouais, n'hésite pas. Un petit peu pas. Le côté un peu storytelling peut me parler. Mais je pense que je m'en fous. Après, je m'en fous des voitures. Il re-switch direct. Non, mais je m'en fous des voitures. Enfin, le fait est que de base, je peux pas. Enfin, tu vois. Alors que GTA, j'aime bien. T'as pas aimé le documentaire la Formula One? Ça m'a rendu folle. Ça m'a un peu intéressé. Ça m'a un peu intéressé. Truc marrant. Que je regarde pour comprendre. Ça m'a rendu hystérique. Sport que je peux pas, j'en ai rien à foutre. Mais j'étais comme toi, il y a le cyclisme et il y a la Formule 1. J'étais quoi. Comme toi, parce je suis devenu Formula folle. Formula 1, ce qu'ils arrivent à supprimer, c'est l'aspect très relou de la F1, à savoir c'est des tours. Oui. En fait, moi, c'est mais non, chiant. Après tu deviens folle, c'est comme tu regardes plus les non, buts. Mais dans la tu narration, regardes... dans la narration de Formula 1, ils mais t'effacent un peu tout mec, ça. Mec, je regarde tous les Grands Prix maintenant. Oui, mais toi t'es devenu folle à lire. Mais il y a beaucoup de gens dans ce cas-là, justement. Moi je me suis arrêté à Formula 1. Je regarde pas la Formule 1. C'est l'effet 98. À partir du moment où on a gagné la Coupe du Monde, à partir du moment où il y a eu Formula 1, c'est bon, j'ai regardé le foot et j'ai regardé la Formule 1. Et je suis tellement influençable. Et bien alors, justement, toi qui es si influençable, Justine, Qu'est-ce que tu nous influences-nous Qu'est-ce que tu nous partages? Alors j'ai vu un spectacle. Okay. C'est le tien, c'est le tien. Non, c'est pas le mien. Ah, j'allais acheter. C'est Roman Frécinet qui m'a raconté. Non, c'est pas lui non plus. C'est Last of Us 5 parce que. Alors j'ai découvert un jeu vidéo vachement bien, ça s'appelle The Last of Us. Ah. Non, je rigole. J'aurais pu en parler des heures, dommage. Non, j'ai été voir un spectacle d'un Belge sur scène. Bah éternu pendant mon moment de bravoure. J'ai essayé de le faire. Qui s'appelle Yosuben. Ok. L'art du rire, et en fait c'est un mec qui à la base est clown et va décortiquer pourquoi est-ce qu'on rit et pourquoi est-ce qu'on ne rit pas. C'est-à-dire okay. qu'il a un il va vous faire fait. Bon bah là par je vais vous faire un on truc. Rit pas bah quand c'est un clown par exemple. Ouais. Par exemple. Je suis déguisé en clown. Mais il va te dire là vous ne riez pas parce que je suis un clown. Mais là vous allez voir, je vais rajouter un élément et vous allez il rire. Pète. Et la à fleur. Chaque fois la fleur qui te crache de l'eau au visage, là tu voilà. rigoles. Voilà, et voilà, ouais. Il arrive à décortiquer systématiquement le pourquoi est-ce qu'un public va rire à ce moment-là et pourquoi est-ce que c'est entre c'est là c'est casse-gueule de ouf ouais. Mais ça faire de l'humour marche sur l'humour voire prétentieux donc j'ai ouais, ah, ça marche à tous les coups, c'est-à-dire que même t'as les boules pour lui, tu dis gars là tu prends un engagement oui tu dis là je vais vous faire rire parce que y a tout le public qui sont eh, vas-y bon, on va voir si c'est marrant et c'est là vas-y, où vas-y, vas-y. Ah ok pas mal tapé et bah cet enfoiré il est fort ça marche à tous les coups. Oh oui mais il pète aussi ça m'a donné envie. Ah ouais ça s'appelle l'art du rire de Yosuben et je crois que ça passe à la Scala dans pas longtemps. Très belle salle. Voilà. Putain, on est très bien assis dans cette salle. Oh, c'est une très belle salle. Absolument. Ouais. Et moi, j'ai dû un jour écrire un sketch sur l'humour. Mm. Bah, c'était une horreur à écrire. Quoi. Ah, bah, la police de l'humour. Non, c'était un banger. Ça. Oui, mais ça a pu être dur à écrire. Ouais, non, mais là, ça allait, mais parce que c'était pas. Oui, c'était des grosses blagues, poète, poète. Pas... Ouais. Bah, va voir l'art du rire, d'ailleurs. Non, c'était un truc un peu plus conceptuel sur l'humour, et de faire des blagues là-dessus, c'était dur parce que. Donc, je suis curieux de voir comment il fait. Je crois qu'à la base, il en a fait une masterclass au début. Il était prof de clown, désolé. Bah, comme Squeezie avec ce GP Explorer. Exactement. Et du coup, petit à petit, c'est devenu un spectacle et c'est incroyable parce que non seulement t'apprends des trucs, mais en plus t'es mort de rire du début à la fin. Ok. Trop fort le gars. Ça m'a bien donné envie. Tu l'as bien vendu. C'est vrai que j'ai un peu envie de regarder aussi. Tout à fait. Julien Josselin. Charlie, dis-nous. Moi j'ai une liste, comme à chaque fois j'ai une liste, donc je vous la fais très court. Ouais. Tu m'as grillé. Bah, qui déconstruisent l'humour également. J'ai mieux que ça. Juste vous allez dans YouTube, vous tapez c'est Jean-Marie Bigard ma couillasse. Ah, le truc avec Spider-Man là. Ouais, voilà, vous cliquez, vous voyez Spider-Man, vous cliquez. Faites-moi confiance. Ouais, voilà. Ouais, ça, c'est la première reco. C'est la première reco. Mais très bonne reco. Hein. Tu l'as vu, Valentin. J'ai eu un très beau fou rire récemment grâce à Adrien Méniel. On est allé à Citadium et ils vendaient des enceintes connectées. Vous êtes ensemble en fait. Ouais, plus ou moins. Vraiment, vous êtes et un vendaient... après un podcast. Et ils vendaient des enceintes connectées. Et Adrien s'est dit bah, attends, on peut se connecter comme ça. Oui. Alors il a commencé par mettre Crazy Frog Axel F bien à, sûr. Fond, à fond pendant qu'on s'éloignait pendant que les vendeurs disaient parce qu'il y avait vraiment du coup dans, dans l'entrée de Citadium il y avait Crazy Frog à fond et les vendeurs disaient mais attends d'où il y a Crazy Frog à fond. Génial. Et moi, j'ai... Et attends parce qu'il y a un vendeur qui a fini par trouver l'enceinte, il a fait bah putain il a baissé le son et Adrien a commencé à s'énerver en jouant et... non j'ai dit mais ce qu'il ne sait pas c'est que moi je peux remonter oui, sur mon téléphone donc j'ai remonté voilà. et après il a lancé évidemment le célèbre ce qui est pour moi tu veux mon zizi non alors il y a les gros nichons évidemment mais non il a lancé Florilège Jean-Marie Bigard une des meilleures vidéos de YouTube que je vous invite j'aurais à lancer j'aurais tellement voulu être là Florilège Jean-Marie Bigard bien sûr. C'est l'histoire d'un mec qui bouffe le cul d'une pute qui est la première phrase le clodo là-bas je le suce il arrive derrière il défouraille en plein droit choc là. Mais quel génie tu fais. Oh là là, il m'a régalé. Il a pranké le Citadium, ça m'a régalé. Pas mal, j'aurais aimé être là. N'hésite pas à le refaire quand je suis là avec toi la prochaine fois. Ah, allez, avec le moment est passé, le moment est passé. Non, je veux le vivre. Ah, non, c'est très agréable. Je veux une saison 2. Ça m'a fait du après, bien. Après, si vous voulez Polaroid, si vous voulez m'offrir une enceinte connectée, là, elles sont jolies. Hein. Mais arrêtez de quémander comme ça, c'est pas possible. En plus, après, quand on me propose, je dis non. Non, je vous fais très rapidement. Oui, on a le temps, bon, t'inquiète. Hein. Non, mais j'ai pas envie de monopoliser la parole. Johnny Carwash, qui est un groupe de rock que j'adore. T'as écouté? Ouais. Et c'est trop cool. J'ai eu la très grande chance de pouvoir les mettre dans le court-métrage qu'on a produit avec Valentin, qu'on a sorti il y a quelques mois. Là. Tu n'as pas de téléphone? Et je n'ai pas de coque de téléphone. J'ai décidé que j'en avais marre que ça soit. Non, c'est gigantesque en fait. C'est trop grand. Ça y est. Est-ce que tu peux rappeler le court-métrage pour que les gens aillent voir aussi? Ça me stresse, mais. Bah ouais, mais il se trouve que c'est très bien conçu et qu'en fait, quand ça tombe, ça ne se casse plus. Non, mais moi, dans la main. Je trouve ça. Pardon. J'essayais de faire ta promo. Oui, tu peux rappeler le court métrage qui est disponible sur YouTube. Oui. C'était pas forcément pour ça, mais. Non, mais oui, moi je le dis, j'en profite quand même. Ça sert à ça. Effectivement, aussi. J'ai sorti un court métrage sur ma chaîne YouTube qui s'appelle La Femme Objet, qui dure 20 minutes. N'hésitez pas à aller le voir. Le titre, on dirait que ça peut être chiant, et en fait, c'est une comédie. Voilà. Je précise parce que j'ai l'impression que les gens on fait oh ouais ok ouais. Et donc j'espère que vous allez rigoler, c'est très absurde, c'est voilà. Une femme sur qui transforme sur en ta objet. Chaîne YouTube ouais sur ma chaîne YouTube ensemble, et j'ai eu donc la grande chance de ouais on a produit avec Valentin et j'ai ouais. donc eu la grande chance d'avoir l'accord des Johnny Carwash pour mettre trois morceaux dedans si on compte la bande annonce et trop je trouve que c'est trop trop bien ce qu'ils font, c'est du garage j'ai envie de dire pop garage quoi, c'est que c'est hyper feel good, okay. C'est un peu les Sex Bob-omb je trouve de Scott Pilgrim versus the World, mais version un peu feel good surf quoi, et ils passent en plus, ils font encore des tournées et tout, et je suis allé les voir récemment et c'est hyper feel good, hyper sympa, donc n'hésitez pas à l'écouter, les Johnny Carwash, en plus j'adore leur nom, je trouve qu'il est trop cool, ça sonne très bien voilà. Et sinon je vous le fais très rapidement, Everything Everywhere All at Once qui est la claque pour moi très bien, faut que j'aille le voir, faut que j'aille le voir. Très au bon cinéma film. Monstrueux, j'ai enfin si bon, chose là faut que t'attendes la VOD hein, parce que je crois qu'il est plus trop disponible. Il est dans la Sicile, il est dans ah ouais il est même au MK2 bibliothèque. Ah bah putain, on va y aller ensemble, ouais ouais, voir seul ça vaut le coup. Ah non, viens, on y va ensemble, très bien. Mais t'es pas allé, tu devais y aller finalement. Mais non, parce qu'on m'a volé mon portefeuille juste avant d'y aller. T'es Gérard Majax. Ah j'y vais pas du coup. Joli le callback. Oh, je c'est beau, c'est vrai. Beau, c'est beau. Non non mais incroyable. Et moi je trouve que c'est le film à aller voir quand tu dis les films d'action c'est tous les mêmes. Va voir ce film là, juste c'est tellement moderne, tellement original. Je dis pas ça donc. Plus dire ça après. Non mais c'est très drôle et très émouvant en plus. Et pardon. Non j'avais une toute dernière, c'était une reco du futur. C'est le Late Show avec Alain Chabat qui sera monstrueux. C'est certain. Tu l'as vu ou pas? Non non non non, mais parce qu'il je le pré-shot parce que c'est évident. Attention là les fans là. C'est comme précommander un jeu, c'est dangereux. Mon frère était dans le public donc lui il a vu et il m'a dit que c'était vachement bien. J'ai cru comprendre ça, ouais. Très bien. Mais c'est très court, hein, vous avez vu, c'est une semaine, hein, c'est un late show. Ah bon, mais justement, ouais. Attends, mais non, il y a 10 émissions, j'ai cru comprendre 10 émissions. Oui, mais c'est une quotidienne, donc en donc vrai, ça va être 2 semaines. Ouais, 2 semaines. Ou 10 jours, ouais, ouais. D'accord. Ah oui, parce que ouais, mais c'est bien, vaut mieux faire court et. Ah, mais c'est pas qu'à tester, c'est super. D'accord, mais d'accord. Non, mais c'est évident, ça va être un banger. On a hâte de voir en tout cas. Et beau pari de TF1 quand même, à 22h45 et tout. Ah, c'est à 22h45 Ouais, et tous les jours. Ouais, non, non, c'est. Lui voulait le faire vraiment dans les conditions du late show. Parce que ce qui est marrant, c'est qu'il y a une vieille interview de Chabat qui a popé. En fait, ça fait des années qu'il veut faire ça. Oui, oui. Et je trouve ça couillu. Mais c'est comme quand ils avaient mis le Palma Show à 20h50 avec un sketch show. Enfin, je trouve que TF1 fait des paris un peu osés qui font plaisir, quoi. Enfin, tu vois, oui, c'est bah cool ouais. de mettre de l'humour comme ça. À dispo, donc c'est quand bah même ouais. Non, mais on a hâte quoi. Voilà les amis, bah merci beaucoup. Merci. C'était très merci. Cool. Dernier tour de table, Julien Valentin, Truth oui. Boy en préco qui arrive début tout décembre. 7 décembre, Truth 7 Boy décembre, 2. Tu seras parfait sous le sapin. Ouais, sera sympa. Sous le sapin, c'est très sympa. Justine Le Potier, un chalet à Stadt. Ok, mais j'ai l'impression qu'il est tout le temps complet quand même. Oui. Ouais, bah oui, c'est ça. Et oui. On fait la 207ème ce soir. Oh là là. Peach. Ouais. Et moi, la bonne auberge qui revient bientôt. Oh, pas mal. La bonne auberge, déjà, il y a eu un one shot là, la mauvaise auberge où c'était que des personnages. Alors, je participais pas, mais c'était Lucien qui était maître de jeu. Les moins bons quoi. Les... Ouais. C'était. Enfin, il y avait. Non, c'est le titre mauvaise auberge effectivement. Non, c'est ah oui non je m'étais pas méchant. C'était juste une vanne. Non non c'était non c'était il y avait Max qui fait partie des joueurs habituels mais sinon c'était d'autres personnes qui voilà. C'était un spin-off. Oui il y avait Taous Merakchi, il y avait Presea la streameuse et il y avait PV Nova et c'était un one shot où c'était que des personnes méchantes. Et okay. Là on revient bientôt, je peux pas dire quand exactement parce que je sais jamais les aléas des trucs et des machins. Mais c'est prévu, ça arrive, revient bientôt. Ça arrive lourd ou ça arrive léger? Absolument très lourd. Ah oui, okay, ouais, l'inverse de léger, d'accord. Okay. Bien sûr. Ouais. Et puis sinon, je crois que je tourne. Et puis Dark Web sur. Oui, Dark Web sur mer. Oui, bon, j'ai écorché Jack Mimoune, donc tu peux y aller. Ouais. Dark Web sur le web, et puis. Et puis voilà, le Dark Web, et puis. Le puis Dark voilà, Web. Puis régalez-vous. Bon, bah très bien, et bah je vous embrasse, et puis prenez soin de vous. Salut! Salut! Ciao! Salut. Bye! Il s'agissait du flow de cast. Pardon.